But now we come to a period that I call the battle for identity. Les gens dehors, voilà. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette émission en direct et en différé depuis le studio Gigus. Allez, soyons fous, on donne les noms. Beaucoup de travail. On est fou là, on est un peu submergé par le travail, plein de matchs, plein de bouteilles, plein de commentaires, plein de questions Twitter, mais pas tout de suite. J'appelle à la barre Roulia. J'appelle en tant que témoin de la défense JP Larky. À la famille, blourg à la team, et surtout, en effet, blourg à la commu. Voilà, il est commu d'office, c'est Kittel. Entendu sa voix suave et autoritaire, Rachmaninov. Salut à tous. Salut. De retour. Et bonsoir à toi, ah oui. Notre cher Gigus. Et voilà, je voulais dire aussi saluer deux retours de Radio Choubis qu'on n'a pas eu depuis quelques temps, Kittel et Rachmaninov, qui sont là, car l'actualité l'exige. L'exige, c'est difficile à dire. Ouais. Tout de suite, j'ai mis mes feuilles quelque part, mais c'est pas grave, parce que je connais le... Non, je crois qu'elles sont derrière. Là, ah, elles sont là. Alors, sur la feuille, Radio Choub. Donc, Radio Choub, émission. Alors, c'est la bonne émission. Chapitre 1. Chapitre 1. Beaucoup de matchs. Je vous propose de commencer... par un petit peu tous ces matchs qui nous ont enchantés, ce spectacle sur le terrain, ce spectacle dans les gradins, et on commence, bah, alors après le dernier Radio Stubb et la trêve, le Racing recevait le Racing club de Lens. C'était avant la trêve. Oui, c'était avant. Ah putain, je suis toujours perdu. C'était juste avant. Ouais, le 8 octobre. Ouais. 8 octobre. Un truc comme ça. Voilà. Ben, voilà. 8 octobre, oui, mettons. Partout. Mais c'est vrai que ça remonte, donc j'ai dû aussi regarder dans les archives. Le souvenir de ce match était déjà un peu évacué. On fait 2-2 en ayant été mené deux fois, avec une égalisation sur pénalty de Diarra en fin de match. Et une bonne impression de Lens, j'ai trouvé. Bah, je vais un peu à la méno en tant que spectateur neutre, donc je regarde un peu l'adversaire. Normalement, je vous dis quel est le meilleur adversaire, et Lens était pratiquement peut-être le plus solide ou le plus costaud des adversaires vus jusqu'à présent. J'ai fait l'article, il nous faut les expected goals sur ce match. Mon téléphone est là. Ah, pardon. Mais Lens, c'est pas la première fois qu'ils sont impressionnants. Je trouve qu'à chaque fois qu'ils viennent, ils sont collectivement, ils dégagent une certaine force qu'on n'a pas toujours eu au Racing ces dernières années. Il y a un joueur que j'ai trouvé très bon côté lensois, c'est un certain Adrien Thomasson. Et ça m'avait fait un peu sourire. On devrait peut-être le recruter. Voilà, suite au débat. À l'époque, beaucoup. On pouvait lire sur le forum du Stoub que Nanassi avait un Thomasson dans chaque orteil. Ouais. Et je me suis dit, bon, bah, peut-être pas encore tout de suite. Même si le Suédois est, je pense, a du potentiel et voilà, mais sur ce match, j'avais trouvé Thomasson particulièrement intelligent et bon. En effet. Alors, je me souviens plus, est-ce que Nanazé avait démarré sa chute, enfin sa baisse de niveau là? Non. Non, pas encore. C'était pas. Enfin, juste après la trêve. C'est ça. Je pense qu'il était encore, il était pas loin de son pic. La chute commence quand il fait son trip en Suède, je crois. C'est ça. C'est ça. Ouais, je crois qu'il y a l'enchaînement sélection, puis retour à Malmö. Ouais, je crois qu'il y a de m'a pu le filer des tuyaux. Ce sont des soirées, c'est ça. Alors, on m'a parlé des expected goals. Exactement. Vous avez remarqué qu'on a un ton assez calme. Hein, c'est l'émission que j'apprécie parce qu'il faut un peu apaiser les débats, je pense. En ce moment, c'est un petit peu tendu. Je trouve un petit peu partout. Donc, je décide de parler comme ça. Alors, en termes d'expected goals sur cette rencontre, qui se vit s'affronter le Racing Club de Strasbourg. Le Frérico, c'est dommage que Calvin ne soit pas là. Mais je crois qu'il est encore à Lens, où il regardait le match dans une friterie. Tout à fait, ce qui était dommage parce que le match était à Strasbourg, mais... Donc, expected goals, 1,2 pour le Racing Club de Strasbourg. Alsace. On a eu un pénalty. Je sais pas combien. Donc, faible. C'est 0,8, quelque chose comme ça. Ça dépend des modèles. Ouais. Ça tourne autour de 0,7-0,8. Et Lens, 1. Ouais. Ah oui, donc on en a eu pour notre argent. Ça, c'est déjà... Exactement. Est-ce que vous vous souvenez qui a marqué le premier but du Racing? C'est Nanazi. C'est Silla, mais sur une passe de Nanazi. Ce qui est exactement voilà. Ce que j'ai dit. C'est sur la même personne. Silla, sorti à la mi-temps. Tout à fait. Encore une fois. Ouais, tout ça, j'ai triché. Hein. Évidemment, j'ai regardé cet après-midi. Sinon, j'avais aucun souvenir. Mais moi aussi, c'est Silla. Silla... était un petit peu en difficulté, enfin, assez comme souvent, comme régulièrement. Ce but ne l'a pas sauvé, sinon il avait une impression de fébrilité assez préoccupante. Je crois qu'il y a un moment où il accroche un mec qui part seul au but, mais il y a eu hors-jeu de Lens où l'action a été interrompue. Il n'était pas loin du rouge, je pense que c'est pour ça qu'il a été sorti à la mi-temps. C'est vrai que si on parle un petit peu de Karim Silla, je sais pas comment il s'appelle, Ahmed, je crois. Abakar. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est un comique. Deux comiques. Non, c'est vrai que Silla confirme son impression de flop de la saison dernière. Il a été pris un petit peu en grippe et par le coach et par le public. Mais autant Emega a réussi par son absence à briller. Ouais. Autant Silla, l'absence de Silla n'a jamais vraiment réussi à le faire remonter. Chaque fois qu'il revient, il est mauvais. Oui. Alors il se trouve qu'on parlera du dernier match en dernier plus tard, mais sur le dernier match, il y a eu encore plus médiocre que lui. Du coup, il est un peu passé à travers les radars. C'est passé sous le radar. Mais ouais, c'est vrai que là, tu es bon être sorti à la mi-temps. C'est pas. Ah, c'est mieux d'être sorti à la 20e. Hein. Oui. Oui, mais c'est pas top. C'est bien, mais pas top. Voilà, donc c'est vrai que ce match on sort à la foulée de Marseille. Il y avait ce fameux truc on va tu reçois deux fois dessus dans le forêt. Tu vas pas gagner deux fois. D'ailleurs, juste une parenthèse, on va faire avec les nouveaux systèmes de calendrier complètement ubuesques, qui n'est pas nouveau, hein, ça doit faire 6-7 ans, on va avoir plusieurs fois où on va en fait recevoir deux fois de suite à la maison. Complètement con. Mais plusieurs fois de suite, on va pas gagner deux matchs de suite à domicile. Okay. Ouais. Et on joue deux fois de suite à l'extérieur, on va devoir. Ouais. C'est vrai. Non, c'est vrai que c'est assez nul comme calendrier. Tu n'as rien de notable à dire sur ce match? Si, c'est un match où, qui est peut-être l'inverse. Enfin, non, c'est pas l'inverse, mais c'est un match où on fait un tiers de possession de balle. Ce qui, à domicile, ce qui est parfait, c'est le plan. C'est le plan. Alors, c'est ça le Rosenior Ball, a priori, je pense. Et, c'est marrant parce que c'est pas ce qu'il avait dit. Bah non. C'est bizarre. Mais c'est un bon match du Racing et on fait un tiers de possession de balle. Voilà. Sinon, de toute façon, c'est souvent une possession dans son propre camp. Alors ça j'ai pas la stat. Alors ça j'ai la stat sur Opta, ils ont dit que c'était Strasbourg était l'équipe qui faisait le plus de passes en retrait du championnat de France. Ah, ni plus ni moins. Ouais, non, c'est donc on joue vers l'arrière. On joue vers l'arrière, voilà, c'est ça. Seul le Borussia Dortmund a fait mieux. Et on se demande pourquoi on a viré Persic. Parce que si c'est pour jouer en arrière, il était quand même le maestro de la passe en retrait. C'était latéral en retrait, donc là, bon, c'est des choses. Mais ils savent ce qu'ils font. On sait même pas ce qu'il est devenu. Il est disparu. Bah lui non plus, je crois. Jesse Demingue, c'est pas mal finalement. Ouais. Ah, je vous rappelle qu'il est toujours sous contrat avec le Racing Club de Strasbourg. L'année prochaine en Ligue 2, il sera utile pour Strasbourg. Ça marche pour lui d'ailleurs à Metz. Bah avec un gardien comme Oukidja, ça marche toujours. Ça doit être fait. On ne s'ennuie jamais. On ne regrette pas sa soirée. C'est ça. Mais sinon, bah non, rien à noter à part Frappard. Moi, je pensais qu'on allait avoir un arbitrage horrible parce que je suis à la fois misogyne et anti-arbitre, un bouffe. comme tout le monde. Bah, bon, finalement, il y avait un pénalty. Elle était arbitre ou elle était à la barre cette fois-ci? Elle était arbitre. Mais elle était un peu à la ramasse quand même où il y a eu. Non, arrêtez, monsieur. Arrêtez. Je vais arrêter le match. Je vais arrêter. Et un gros parquage visiteur, je crois, dans mes souvenirs. Oui. C'était pas mal. Ouais, silencieux pour le premier quart d'heure. Ouais, c'est très compris. Étrange, là, j'ai pas compris. Après les Angevins, les Lensois. Pourtant, eux, ils ont de la multipropriété. C'est multivol, ok. Mais ils ont des bons résultats et ils font des 15 minutes de grève. C'est incompréhensible. C'est de la multipropriété assumée. Ouais, voilà, je ne comprends pas. Et sinon, bah si, il y a toujours quand même un truc, c'est que il y a deux choses sur Lens. Mais c'est marrant, j'ai l'impression qu'on a déjà parlé de Lens. Ils ont un défenseur central très bien là. Oui. Dont j'ai oublié le nom, mais il est vraiment. Zalakonrogov, là, avons Kuzanov. Super. Ouzbek. Donc, du coup, dire que... Et ils ont toujours ce type absolument infâme, Medina. Ah oui. Qui est infâme, quoi. Il est dans l'équipe adverse. Il serait dans ton équipe, ça serait le chouchou du stade. Mais Pierre-Louis Barret, comment il s'appelle? Jean-Louis Barret? Non. Le comique. Pierre-Emmanuel. Pierre-Emmanuel Barret, c'est un peu le Pierre-Emmanuel Barret du foot, je trouve. Voilà. Ok. J'avais pris des notes, vous voyez, hein, ouais, j'ai bossé le truc un peu. C'est des notes évolutives, tu les prends à chaque fois qu'on va définir un sujet. C'est ça. Allez, sans transition, on part au Parc des Princes. Ah, le Racing peut-être taper le PSG. Il va pour gagner au Parc. On va pour avec un. C'est ce qui est annoncé. Il n'y a pas de complexe. Il n'y a pas de complexe à avoir. Les joueurs l'ont dit. C'est un PSG qui fait pas mal tourner en plus. Elite mentality de Lyon. Et il n'y a pas ça. Ils ont la science avec eux. Parce que normalement la stat qui s'accumule, normalement elle est faite pour tourner. Ouais. Et vu que ça doit faire, je crois que c'est depuis la création du milliard d'années. Bah non, ça doit faire 40 ans. C'est depuis que le PSG existe. Ouais, 50 ans bientôt. Le PSG, je crois. 70. C'est plus que 50. Ça fait plus de 50 ans qu'on a perdu. 74 ou 75. Sauf quand on ne joue pas contre le PSG. Mais une fois, en coupe en plus. Ouais, et puis c'était les pénalités. Ouais, en fait, on n'avait même pas gagné. C'était le Paris FC en coupe, je vois. Bordeaux. Non, Bordeaux. Non, c'est pas une victoire. Bordeaux 97. Pénalty, ouais, il y a match. Donc on n'a jamais gagné. Non. On a gagné que contre le PFC au Parc. On n'avait pas gagné une fois en Coupe de la Ligue. Non, parce que c'était avec Eret et tout, la grande époque. Non, hein, on avait fait 4-2 en championnat, où Eret met un doublé dans le temps additionnel. Ouais. Christian. Christian ou Christian le pâtissier et attaquant. Quel Renaldo, mais non, je confonds. Ouais, Alex, Christian, Alex, non, c'est ça. Et on n'a pas eu un match. Christian où... était au marquage de Bagayoko. Enfin, l'inverse. On n'a pas eu un match où ça partait bien. Comment il s'appelait, le putois, là? Ah, le premier match de la saison. Le putois. 2001. Ouais, il bouffe le score, un truc de fou. Ouais, je crois que c'est le premier match de la saison, en plus, je crois. Et je crois qu'on se fait atomiser. Ouais, je crois exactement. Et on a une saison même. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai reçu une pub l'autre jour pour les. Vous savez, il y a le journal de l'équipe qui vend des unes sous cadre. Et du coup, je vais un peu regarder les unes. Et donc, il y a des catégories pour des clubs. Genre, si t'es fan de Marseille, t'as les unes mythiques. Et il n'y a pas de catégorie pour Strasbourg. Mais du coup, je prends le moteur de recherche, je tape Strasbourg. Et je vois quand même pas mal d'unes de. Mais c'est des unes où, en fait, c'est le club adverse qui a fait un bon truc, tu vois. C'est genre Calais qui. Et il y avait. Et du coup, en fait, j'ai vu les unes de. Que des défaites, du coup, du Racing, quasiment. Et notamment, il y avait une. Suite à ce match Paris-Strasbourg, où Strasbourg avait marqué, je crois, le premier but du championnat. Oui, on ouvre. Ouais, on était là. Strasbourg leader, ce soir. On est. Ouais, voilà. Et puis, en fait, on perd 3. Yannick Fischer raconte son camp, je crois. Ah, Yannick Fischer. C'était un gros souvenir. Et Anelka venait d'arriver. Dans les unes, il n'y avait pas le football se lève à l'Est. Ça, c'était quand en Intertoto. Je vais vous dire, c'est un truc assez phénoménal. C'est en Intertoto, donc on parle. Quand Metz gagne et Strasbourg Metz aussi. Et Strasbourg, ouais, c'est possible. Termine en finale. Sachant qu'à ça devait être à la fin du Tour de France. C'est la semaine un peu de merde. Exactement, la semaine de la fin juillet. Et il y avait deux finales, je sais pas si vous vous souvenez. Parce qu'on Il y avait deux coupes, ouais. Mais en fait, il y en a d'autres gens qui ont gagné l'Intertoto cette année. Oui, il y avait deux championnats parallèles. Ouais, n'importe quoi. C'était vraiment. Ah ouais. Enfin, bon, on peut pas vous souvenir, hein, parce que vous êtes sur Twitter et vous insultez les gens. C'était bien. Alors, donc on se rend au parc. Vaillant. Tu y étais. J'y étais, effectivement, j'adore aller au parc. La sécurité était charmante. Par contre, on n'avait pas de toilettes. Enfin, on avait des petites toilettes de festival parce que, comme le Racing n'avait pris que 600 places, l'autre moitié était tout de suite revendue à des mecs supporters du PSG sur Twitter, sûrement. Et donc eux, ils avaient le droit aux toilettes, pas nous. Ça, c'est un peu le moins. Ouais. Donc voilà, il y avait 4 préfabriqués pour aller faire ses besoins. Mais c'est pas grave, puisque la bouffe est dégueulasse et la bière aussi. Donc voilà. Mais donc on est confiant, on y va vaillamment. Et puis bon, très rapidement, genre juste après le quart d'heure de grève syndicale, ouverture du score du PSG. C'est plutôt à cause de la grève. Ouais, je crois que c'est à cause. Non, ils ont attendu la fin de la grève, les joueurs du PSG. C'est des mecs bien. Bien sous ton rapport. Bien sous ton rapport. Derrière, finalement, après le match, on a pas mal joué. Hein. C'est pas. On va pas dire que c'est équilibré. Le PSG force pas, mais le Racing n'abdique pas ou ne se recroqueville pas en défense comme on a pu le faire par le passé. Et après, est-ce qu'on prend d'abord le 2-0. C'était 2-0. Et c'est là où on a un peu le réveil du dragon. On met le 2-1. Alors d'abord, c'est Koumra. Voilà. Ouais. Et on s'en prend quand même assez vite, on se reprend le but, non ? Alors, au bout de 8 minutes, ouais. Alors, le lendemain, moi, j'ai lu un interview de Barcola qui a dit, bon, on n'a jamais vraiment flippé, quoi. Donc, je pense que... On n'a jamais vraiment joué, même. Ouais, non, mais c'est bon, on les a pas accrochés plus que ça. De toute façon, si tu veux faire un coup à Paris, il faut pas y aller en disant, bah tiens, on va mieux jouer à la balle que vous. Ouais, non. C'est pas comme ça que t'y arrives. T'y vas, tu mets le barbelé, et puis sur un vieux corner, tu marques un but, et puis... Moi, j'ai lu sur le Racing Stub, des gens qui ont dit, ouais, mais les supporters de Paris nous respectent parce que, justement, on n'a pas mis le barbelé. Ouais. Et qu'ils nous ont mis le branlé. Ouais. Ah, ça, c'est super. Ouais, on est content. On a perdu, mais les supporters adverses, de merde. Tu te vois, c'est comme à l'époque, on était au fin fond du classement, tous les mecs, ils te gagnent... te battre, ouais. Jouer bien. Purée, mais franchement, vous méritez pas de descendre. J'ai envie de dire que je te vomis, que je te méprise en fait totalement. Et les gens dont le plaisir c'est d'être respecté par entre guillemets les supporters parisiens, alors il y en a aussi, mais quand même, l'immense majorité de ce stade c'est une poubelle. J'y vais plus, moi, donc je décide de plus aller au Parc des Princes. Donc je n'ai pas vu ce match. Je suis plus allé depuis la présentation de Messi en 2021, avant notre. Et ben là, tu rates quelque chose, parce que c'est la présentation de Messi x10 à tous les matchs. En termes de la musique des boules, la musique des boules, c'est son lumière, des lumières qui clignotent partout. Les tifos d'Auteuil que tu ne vois pas parce que d'abord tout est noir, et quand ils ouvrent la lumière, ils mettent des feux d'artifice de merde devant. Et vraiment. Un nouveau speaker. En fait, c'était, c'était des tifos avec des roquettes palestiniennes, tu vois. Et c'est vrai qu'à chaque fois, moi, j'étais avec Book, qu'on salue. Qui à chaque fois dit, mais c'est quoi ce truc de merde? Ils se croivent, genre, à Chicago, NBA, c'est ridicule. C'est Book qui a dit, ils se croivent. Ou oui, ouais. Se croivaient même, je crois. Les gens, ils croivent trop. Ouais, mais, tu veux dire un truc qui était avant, qui était un peu roots, qui était normal, qui était foot. Enfin, c'était un stade de foot, en fait. C'était un stade de foot et qui est devenu après avec. La musique, des effets sonores et des bidules, un peu comme Radio Show, quoi. On n'a pas d'effets encore lumineux. Non. Bah si, on les a, mais personne peut les voir. Tu vois, on est devenu le Parc des Princes. Voilà, et le truc à dire quand même, c'est qu'à un moment, je veux dire, je pense que c'était. Ça devait être au 2-1, parce qu'on n'avait pas encore. Là, il y a un ange, donc on chante, hein, Arash fait allez les gars, c'est génial, comme il fait toujours. Et là, à un moment, il y a un mec qui commence à me parler, il me dit « Ah, on va faire un chant, allez Paris !» et tout. Bizarre, Book, genre, non. Et en fait, il y a la sono du stade qui est passée au capot de Auteuil. Ah oui. Combat de chien. Ouais. Ça, c'est le Neudorf. C'est normal. Je veux que vous avez parié, j'espère. Ouais. Évidemment. Et donc en fait pendant 5 minutes, c'est le speaker d'Auteuil qui avait la sono et d'accord. qui lançait des chants. Le capot. Et c'est hyper... Ouais, ouais, le mec payé par le club, enfin... L'ambiance... Non, non, parce que ce match, c'est le premier, là, où il y a eu les problèmes de... Oui, à la télé, on entendait, mais de... Ah oui, d'un chant homophobe. Évidemment. Qu'on n'a pas entendu, et parce qu'il n'avait pas... Ils n'ont pas été diffusés à la sono, ceux-là. Non, ceux-là, non. Mais par contre, on les entendait hyper bien à la télé. Oui, bah d'ailleurs, il y avait Julien Brun, il a fait une petite remarque. Eh oui. Et bah oui, Julien. Notre confrère. Qui nous écoute, notre confrère, tout à fait. Et non, ceux-là, on les a pas bien entendus. C'est pour ça que moi, je comprenais pas pourquoi les speakers disaient le lieu est un stade de respect. C'est bon, il y a un match, mec. Là, genre, c'est important, on joue là. Il y a Sekou Mara sur le terrain. Genre, on rigole pas. Et non, mais par contre, pendant 5 minutes, il a lancé des chants. Du coup, forcément, hyper bien repris par l'ensemble du parc. Mais très gênant pour toi qui a pas envie d'entendre le mec d'Auteuil qui te dit ce qu'il faut chanter. Ouais. Et ça, c'était la première fois que je voyais ça quand même dans un stade. À part Jean-Luc Fizer. Parce que ça. Ouais, mais par contre, c'est un mec qui arrivait à articuler. Ah, c'est... Ouais. Ça se diffusait dans les enceintes auprès des tribunes latérales. Et de tout le stade, ouais. Ah ouais. Ils avaient. Ils ont incité à participer. Ouais, ouais, le mec, hacké la sono, c'était pas volontaire. Non, ça avait l'air vraiment fait exprès, enfin marrant. Mais t'as le droit de faire ça, en fait, pendant. Bah, je sais pas, je trouvais ça très bizarre, moi. C'est un peu comme le speaker de la cité. Applaudissements sportifs pendant le match. Ouais. Même en basket, ça se fait pas trop que le speaker parle trop longtemps. Et s'il parle trop longtemps, il peut être sanctionné. Il y avait pas. Je crois qu'à la limite, quand il commence à remonter un peu la balle, le gars au début, ça termine. Après, ça s'arrête, quoi. Et là, vous imaginez les capos syndicalistes des UB si vous nous volez notre pain dans la bouche, notre travail, notre labeur. Voilà, c'est. Apparemment, CGT, c'est une insulte aussi. Bien sûr, évidemment, on en connaît. Ouais. Okay. Et pas que des beaux. Ouais. C'était un match de merde. Voilà, non, mais après c'était sympa. Alors, et après on allait boire des pintes à 12 euros au Prince. Ça, c'est génial. T'étais pas aux 3 obus ? Non, c'est parce qu'on était de l'autre côté. Et bah, avec la fameuse question, vous voulez manger ? Non. Et vous êtes sûr que vous voulez pas manger ? Ça pourrait aider à ce que vous ayez une place ? Non. Bah, on va vous mettre dehors alors. Ouais. Paris, la ville lumière. Un petit point sur les Paris 16e. Oui. Ah bah oui, mais ça va être au moins du 3,5 contre 2, un truc comme ça, non ? Boucherie Chevalier. 3,5, 1,9. Ouais. Donc. Ah mais c'est marrant. Ouais. Donc ça colle au score. Ça colle quand même pas mal. Ouais. Avec Emega blessé. Ah oui, c'est là. Gravement. C'est là. Double entorse. Ouais. Ah il s'est fait. Genou cheville. Parce qu'il avait une poche sur les deux. Et là c'est là à ce moment on ne réalise pas. Que c'est le drame. Ouais. Mais non, on a Sekou Mara buteur en remplaçant. Et je te rappelle, Sekou Mara fait partie de l'armée des pépites. C'est une nouvelle pépite. Il n'a pour l'instant, parce que la méga pépite et méga lui prenait sa place, il n'a pas eu le temps d'exprimer son potentiel. Heureusement, pendant les matchs qui ont suivi, il a pu l'exprimer pleinement. Mais alors oui, bah, parlons des matchs qui ont suivi, parce qu'ensuite on reçoit Nantes. Et là, on est un peu au paroxysme de la hype. Ouais, là, Ce qu'on vient de faire nul contre Lens, on vient de donner. Voilà, on a donné leçon de football au PSG, perdant 4-2. Et on a suscité. Oui. On a suscité le respect chez leurs supporters. Et ça. Si c'est pas une victoire, ça. Merci beaucoup. Et chez la mère de Rabiot aussi. Ah. Et là, le Racing affronte le football club de Nantes. Plutôt mal en point. Ouais. Voilà, comme d'habitude. mais coaché cette fois-ci par Antoine Comparé, qui ne pourra pas venir sauver le club un petit peu plus tard, puisqu'il est déjà, déjà coach. Ouais, il ne peut pas se... Ça, ce truc. Voilà, il fait un échange. Il fait à l'italienne, il revient en fin de saison. Voilà, il fait un échange avec Michel Mézi. Avec Jean-Louis Gasset, pardon. Tu sais, c'est les pompiers de service. Je savais pas d'ailleurs que les supporters de Napoli chantaient l'italiano de Toto Coutinho. Peut-être parce que. Les mecs, ils peuvent faire 10 minutes dans un match où ils sont dans un parcage, alors qu'il y a tout l'Inter de Milan, tout le monde qui a chanté. C'était bien. Ouais. Ouais. Tu dis mais contre Nantes, il n'y avait pas ça. Mais tu dis c'est caricatural, ils vont pas chanter ça des Italiens. C'est comme si nous on chantait le Hansim Schnokolar, si tu veux dire. C'est ça. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, un tifo Hansim Schnokolar pour faire plaisir à Marc Keller. Voilà, ils voulaient de l'argent maintenant pendant là ils sont pas contents. Mmh. Un tifo saucisse. Petit faux saucisse, c'est important. Qu'est-ce qu'on disait, non? Donc, RCS Nantes. Un quart d'heure de grève suivi par les. Non, les me dis pas que c'est pas vrai. Encore? Encore? Non, vrai, oreille mal. Oh. Alors qu'on gagne et qu'on a des joueurs pépites. Comme bah là, on gagnait pas pendant le premier quart d'heure. Non, mais. Alors que Nantes est un club qui est super bien géré. Donc, eux, je vois pas pourquoi ils se plaignent. Ouais. Ils ont fait une petite banderole costume sur leur président. Ouais. Et est-ce que. Alors, on parle que du match. Hein, ouais, on me rappelle plus qui a marqué. Alors. On y était pourtant. Ouais, mais sûrement qu'on n'était pas attentif. Alors, Indira Gandhi, non, André Santos à la 17e. Ah oui. Encore André Santos, disons. Je rappelle que 17, c'est après 15. Oui, donc c'était après la grève. Donc, s'il y avait pas de grève. C'était 2. Aurions-nous marqué 2, 3 buts plus? Bah, facile. Ouais. Évidemment. À mon avis, oui. Ensuite, vous voulez la suite ou pas? Bah, oui. André Santos, 57e. Assiste de Dylan Bakwa. Et ah je oui, précise oui. Qu'avant c'était Abid Diarra qui avait fait l'assist. Et enfin, à la 73e, Dylan Bakwa qui j'ai envie de dire, se transforme en buteur. Ah oui, c'est quand il met la majeur avec sa joie en deux temps. Ah oui. Exactement. Que j'avais pas vu. Refusé d'abord. D'abord refusé, et la VAR est intervenue. Grâce à la VAR. Avec une passe de Diego Moreira. Et pour l'anecdote, Baereba Girassi. Qui a sauvé l'honneur de son ans. Premier but en sur une passe décisive de Douglas. Mmh. Alors là, on a genre. C'est-à-dire qu'on n'était pas loin de gagner 3-0, donc cavalier seul. Et donc là, on a confirmation qu'effectivement, Nantes est nul et qu'on est meilleur que Nantes. Je pense. C'est ça. C'est l'information de ce match. Je crois qu'on était proche l'un de l'autre au classement. Mais... Ouais, parce que Nantes était. Nantes avait joué pas mal de près, là. Ouais, voilà. Mais nous aussi. Hein. Bon, nous, je crois. Non, pardon. Non, mais donc du coup, là on se dit, effectivement, on voit, autant on a peut-être vu le gap avec le PSG, mais on se dit, on est au-dessus de la plèbe. De la plèbe. Voilà, la fange. Les fameux clubs de notre championnat des années précédentes. C'est ça. Voilà, on a passé un cap. On peut les toiser. Est-ce que le plafond de verre a été brisé? Là, je crois qu'on a pété un. Alors, c'est pas la grande verrière. De verre, si tu veux, c'est pas le gros palais, c'est le petit Vassistas. C'est le petit Velux, le petit Vassistas de verre. Ça nous permet d'accéder au mini ventre mou un peu mieux que donc le marécage où on était d'habitude. Hein, je pense qu'on est là-dessus. On est là-dessus. Après, un petit point expected goals. Bah oui, évidemment. Hein. Donc je vous rappelle qu'on a mis 3 buts pour 1,7 expected goals, dont une magère à 25 cm du but de la ligne qui devait valoir. Ouais. À elle seule, 1 expected goal, 0,7, à mon avis. Donc, quand même, bon. Et non, 0,7 expected goal. Bien payé. Ouais. Et 50-50 de possession de balle. Bon. Donc là, effectivement, on fait taire toutes les critiques. Est-ce qu'il n'y avait pas eu plein de fumigènes aussi, les saltimbanques avaient brûlé plein de fumigènes sur ce match-là? Il me semble que les troubadours. Oui, il y avait plein de supporters allemands qui étaient là pour ce match-là. Il y a eu une thématique de l'alliance de l'axe bleu et blanc. Et est-ce que c'est pas aussi sur ce match que ça a commencé à chauffer un peu quand il y a des sorties de banderoles vers la 60e? C'est possible, puisque c'était on a pu jouer en domicile depuis entre temps. Ah ben voilà, donc c'est là que il y a quelques algarades, enfin au début de velléité d'algarades. Des visigoths qui ont sûrement pris à partie et malmené. Il y a une algarade. Il y a des références quand même ici. Hein. Là, on est au-dessus, mais ça c'est des saltimbanques. Hein. Ah, ça, c'est les mecs, ils ont que ça à faire de lire le dictionnaire. Exactement. Tu joues au Scrabble Bien sûr. Vous avez vu le type qui a gagné les Irlandais, qui gagne en espagnol là? En espagnol. Il avait déjà gagné le Scrabble français. Tu parles des méga. Alors qu'il parle pas la langue. Le mec, il apprend les dictionnaires. Ça, c'est pas. Bon, je sais pas, on a les méga qui est joueur de foot pro, il comprend pas le foot. Il parle pas la langue. D'ailleurs, il faut dire que c'est sur ce match, je crois, qu'il y a eu une petite saillie humoristique sur internet qui était assez drôle au sujet de les méga. Ça a l'air un petit buzz. Ouais, un petit buzz, c'était. Je sais pas qui c'était, qui a posté. Je sais pas qui a écrit ce truc. Ils étaient deux, à mon avis. Mais ouais. Ouais. Ça, c'est les faux comptes, il y a toujours deux personnes derrière, ça on le sait. Exactement. Alors qu'en fait, Emega, il était encore plus nul que Mara, c'est dire sur ce match-là. Ah bah là, oui. Jacques Mara était bon. Et en plus, il a pas célébré, lui. Il a pas célébré, c'est arrogant. Bah oui. Évidemment. En fin de match. Donc, bon, enfin, on voit ce que c'est. Et par contre, il y a eu un événement hyper important. Ah. Donc, je pense que vous avez tous oublié. C'est les tares flambées de Liam Rosenior et Mark Keller. Ah oui. Question Minitel. Ah, question. Allez. Alors là, je pensais pas que j'arriverais. La question Minitel est quasiment aussi spontanée. Exactement. Que le petit repas de Mark Keller et Liam Rosenior en tête à tête, complètement inconnu du milieu des supporters. Liam de Flamme. Alors, la version officielle du club, c'était que ils avaient réservé une table, mais ils ne savaient pas jusqu'au dernier moment s'ils allaient à manger. C'était selon le score. Si le Racing ne gagnait pas, ils ne devaient pas manger les tartes. Les mecs étaient au régime. Ah oui, ok. Il y a eu victoire. Ouais. Donc ils... ça motive. Allez, on va manger. Et t'imagines, il faut faire ça à chaque match. Bon les gars, on a réservé une table. Là, si vous gagnez pas, il y a pas de flammes. Hein. Vous rentrez à la maison, c'est diète. Alors c'est une question Michel de ST Sébastien sur Twitter @stseb67 qui demande Rosenior. Alors voilà, j'en ai marre de parler doucement. Rosenior et Keller qui dégustent une tarte flambée en zone publique devant les caméras. Réacte. Tentative de se mettre dans la poche l'opinion ou simple acte de convivialité et de tolérance? Alors, à vous de répondre. Vous avez 2 heures. Oui, vous avez 2 heures. Effectivement. Excellente question. Alors d'abord, avant de répondre à la question, je pense que ça fait longtemps que je n'avais pas sorti ma boîte. Alors je la sors. Convivialité et tolérance. Je vous écoute. Là, que peut-on dire devant Virginie Schaeffer? L'odeur des vestiaires nous fascine. Il y a même un mec sur... L'odeur des vestiaires. Ah, oui. L'odeur des vestiaires vous fascine, mais bien sûr. Alors, par contre, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Ah, voilà. Ça, c'est un... J'ai tout. De toute façon, moi, Virginie... Évidemment. Je crois qu'il y a un mec, je ne sais plus si c'est sur Twitter ou sur le Shtoub, qui disait, ouais, non, mais à l'époque... Virginie Schaeffer, elle a changé le lit. Un truc, il a mélangé 3 époques, c'est genre à la Coupe du Ligue 97, c'était Virginie Schaeffer qui chantait en alsacien. Ouais, voilà. Ouais. Ah bah, mais on sent une nostalgie, voilà, empreinte un petit peu de sénilité précoce. Mais voilà, qui nous guette tous. Alors pour répondre à ta question. Ah, de ST Sébastien. Ouais. Est-ce que les gens pensent vraiment que c'était spontané et que c'était évidemment que c'était organisé? Bah, s'il y avait une table réservée, c'était pas spontané. Évidemment, et il y avait une table réservée et le fait est de se mettre au milieu des fans, de serrer des pinces, de manger une flamme, ça fait partie du storytelling du club. C'est comme de serrer est-ce que c'est répréhensible? Non. C'est bien. D'être pote avec tout le monde à l'entraînement, machin. Mais ça va aussi dans le truc, ça vient aussi pour contrer fondamentalement la tension qu'il y a dans les tribunes où les associations de supporters sont pas contentes, font 15 minutes de grève, elles sont chahutées par le reste du public qui comprend pas cette grève-là, et le fait est de faire un contre-feu en disant « Mais regardez, tout va bien au Racing, tout est formidable, on mange des flammes, on fait des selfies avec les fans, en fait tout va bien quoi, c'est une manière de dire que tout va bien quoi. » Ouais, c'est de la merde, mais... Non, mais c'est bien. Comme on s'attend. Non, mais c'est... Voilà. Ça pourrait être. C'est vrai qu'après genre plusieurs saisons de Thierry Lhorey qui envoyait chier tout le monde, journalistes, fans. Pas les fans. Apparemment, l'entraînement de Thierry Lhorey était très cool. C'était en dehors qu'il était exécrable. Non, mais je pense que Rosenior, c'est un coach moderne. Il met autant d'énergie dans la préparation du match que dans la préparation de sa com et de son autopromotion. Il est quand même, beaucoup de ses interviews tournent un petit peu autour de lui, en fait. Genre, les garçons ont bien joué parce que je l'ai fait, À 8 ans, il a une com hyper rodée. Et c'est normal, c'est un peu le. Alors là, le... Tu nous offres, pardon, un pont avant le prochain match qui était le déplacement à Saint-Etienne, où entre les deux matchs, il a autorisé notre ami Nanasi à aller boire des coupes de champagne à Malmö pour fêter le titre. Et c'est ça un coach moderne, c'est qu'il autorise ses joueurs en plein milieu de la semaine à sécher l'entraînement pour aller fêter le titre d'une équipe. Du genre, je ne sais même pas d'ailleurs s'il est officiellement vainqueur du titre. Je crois qu'il en avait fini ou. Quand tu joues un match, une minute, ça suffit pour être champion du... Non, mais il a joué pas mal parce que. C'est non, mais là, oui, mais il y a bien un critère qui dit qu'il faut ça avoir. Dans il faut avoir le maillot. Il faut avoir le maillot. 10 matchs, je sais pas. Je crois que Guivarch est champion du monde. Oui. Mais sans. Il s'est blessé, mais sinon, il était titulaire à chaque fois. Mais Lamane n'a pas joué. Lamane a joué. Diomen a joué. Non, il a refusé de jouer. Il a refusé de jouer contre le Danemark. Ah, ok, pardon. Et Diomen. Oui, non, mais après, c'était pas les mêmes critères, je pense, pour les. Par contre, en Coupe de France, si tu ne joues pas la finale, tu n'es pas. Non, mais il y a un certain nombre de sports où il y a des critères très précis pour être déclaré. Il faut la jouer, genre les sports US, genre la moitié des matchs de saison régulière, et ou jouer un match au moins en playoff. Enfin, bref. Donc Nanasi a été autorisé par notre coach moderne, on disait tout à l'heure, à sécher globalement la moitié de la semaine d'entraînement, parce que évidemment, comme ils avaient gagné, ils avaient eu gagné un jour de rab pour pas s'entraîner. Évidemment. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont été chez eux, les joueurs. Ils ont mangé des flammes, évidemment. Et du coup, Nanasi a pu aller fêter le titre en Suède et revenir après, évidemment, en pleine forme, pour jouer un match en déplacement. Il y a aussi des semaines de congé lors des précédentes trêves à ces joueurs. Là, pour le coup, les CGTistes peuvent rien dire. Ouais, non, là, clairement, on est dans un acquis social. La cinquième semaine de congé payé pour les footballeurs, ça c'est. Dans vos gueules, résumé. Évidemment. Et du coup, donc, effectivement, le déplacement à Saint-Etienne dans le chaudron, où là, forcément, Saint-Etienne est quasi au plus mal, enfin, ça va pas très fort. Nous, Saint-Etienne est à son niveau normal depuis 10 ans. Et nous, globalement, on est à genre 2 victoires, 1 nul, 1 défaite sur les 4 derniers matchs, et la défaite, c'était au Parc. Mais on a mangé des flammes-cuches. Et du coup, tu te dis, ouais, t'es quand même vachement confiant. Alors, ok, certes, il nous montre l'avancement habituel, mais en Amara, on peut faire quelque chose. Et on arrive du coup à Saint-Etienne un samedi soir, 21h, temps typiquement stéphanois, un genre de bruine là, enfin un peu dégueulasse. Complètement dégueulasse. Et il n'y a pas que la bruine qui était dégueulasse. Il y a le match. Essentiellement le match. Il y avait le match aussi, où là, Strasbourg fait un non-match. Hein. C'est pathétique. Un non-match complet, et notamment Nanasi qui touche pas une balle. Est-ce que c'est dû au fait que toute la semaine, il a bu des whisky à Malmö ou quoi ? Il a eu deux dans l'équipe le lendemain, si je me souviens bien. Catastrophique, mais il était pas le seul. Ça a été le pire étant Doucouré, qui, sur les deux buts de Saint-Etienne, il est complètement à la ramasse. Et encore une fois, Racing, il n'y a pas un match complet de Strasbourg qui est cohérent de la première à la 90e. C'est souvent des mi-temps, on le verra d'ailleurs sur les matchs suivants. Mais là, à Saint-Etienne, la première mi-temps est pas trop mal. Et comme par hasard, la deuxième est dégueulasse. Et ça, c'est quelque chose, c'est une pattern qu'on récupère à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, on a une équipe globalement qui s'écroule. Alors, il faut demander à Marc Keller, vous savez qu'il adore les datas. Et les datas des joueurs, là, quand ils portent leur petite brassière moulante, là, qui contient leur petit. Énormément. Énormément. Et j'aimerais vraiment le curieux de voir les datas en termes d'intensité, de sprint, de course, de répétition d'efforts en deuxième période. Il y a un truc qui doit commencer, je pense, à émerger, c'est qu'à un moment donné, cette équipe, à la 60e, elle a plus. Avant, c'était un ou deux joueurs, notamment Nanasi qui était un turbo, hein, c'est pas un atmosphérique, le mec il partait plein fer tous les matchs, et en deuxième il avait plus rien dans le. C'était un peu ça, hein, les matchs de Nanasi, notamment quand il faisait ses buts et ses passes décisives à foison. Physiquement aussi, c'est pas son atout. Voilà, mais quand même, souvent il disparaît complètement en deuxième période, mais c'était un peu le seul qui était comme ça, il y avait des joueurs qui arrivaient à compenser ça, et là maintenant, il y a une bonne part de l'équipe qui a vraiment du mal à sortir du vestiaire, quoi. Ouais, bah Nanasi, il a. Si on le compte quoi milieu, on le compte quoi milieu plutôt. Ouais, milieu offensif. Ouais, bah c'est le pire des milieux en nombre de passes, en distance, en tout. Sur ce match. Bon, c'est pas son match. Non, il est exposé par Diarra. Ouais, mais comme disait Roulian, il avait tendance à disparaître. Je sais pas si c'est par mi-temps ou quoi, mais pour moi, des fois, il est pas du tout visible pendant des dizaines de minutes. Ouais. Il disparaît du match. Et là, on peut s'inquiéter pour. Comme c'est quand même le joueur plus, le joueur qui apporte du danger. Mais là, on sent aussi qu'il est Il est dans une dans un creux physiquement et je sais pas, l'histoire, il a commencé la saison tôt, il a pas eu de repos, etc. Donc est-ce qu'il y a l'excuse aussi un peu scouting report adverse qui À force d'être bien noté dans l'équipe. C'est que, même, voilà aussi maintenant maintenant il fait partie des joueurs à surveiller. Ouais, je pense qu'on on leur dit attention Gugus et puis ouais. Et tout et Bakwa sont pendant de l'autre côté. Par contre, Mara, c'est bon, mais c'est le tranquille, quoi. Ouais, c'est ça. Et de l'autre côté, Bakwa, il est quand même dans un mauvais espace depuis le début de la saison, à la louche. Bakwa, c'était un des rares gars qui était intéressant l'année dernière. Intéressant avec Patoche. Mais là, il s'est il avait un rôle sympa. Et là, Roseno lui a donné un truc un peu plus différent, à couvrir un peu plus le côté. Mais... Et du coup, il est peut-être aussi en perte de confiance, parce qu'il tente toujours peut-être le dribble de trop. Exactement. Et ça, c'est souvent les joueurs qui sont en manque de... Le syndrome d'Embélé. Ouais, c'est un peu le dribble... bah oui, oui, c'est un peu le dribble de trop à chaque fois, alors qu'en fait, évidemment, il a une capacité à éliminer en un contre un qui est peut-être la plus grande de l'effectif de Strasbourg. Hein. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Ouais. Mais pour l'instant, il n'utilise pas... Quand il doit éliminer, il le fait pas, et quand il doit faire la passe, il la fait pas, quoi. Tu vois, c'est il fait un peu le mauvais choix. Il vit pas bien le jeu, et des fois où il y a prise à deux sur lui, bah, laisse tomber, libère le ballon et il veut quand même y aller. Et parfois, il a un contre un, il le joue pas. J'ai envie de dire, l'année prochaine, c'est un peu l'année charnière pour lui, quoi. Pour l'instant, je le mets encore sur l'erreur de la jeunesse, parce qu'il est encore très jeune, bah, quoi. Si l'année prochaine, dans son jeu, il arrive pas justement à comprendre le moment où il doit lâcher la balle ou le moment où il doit dribbler, c'est que manifestement il va être enfermé dans ce truc là je vois plus sortir des saisons. De toute façon, ça sera la troisième saison s'il reste l'année prochaine. Saison, il est usé, il est en fin de cycle. Il faut renouveler l'effectif, hein. Ça me paraît logique. Il sera bien sûr beaucoup trop vieux, mais globalement, voilà, pour Saint-Etienne, pour moi c'est un non match. En défense, dans la surface de réparation chez nous, on n'a pas été utilisé deux fois. En marquage, on a été nul, et encore Petrovic nous en sort une ou deux, ça aurait pu être plus lourd que ça parce qu'on s'est fait contrer par une équipe de Saint-Etienne qui a pas inventé le fil à couper l'eau chaude. Les mecs, ils étaient vraiment nuls à chier et ils nous battent 2-0 et finalement, sans qu'on puisse vraiment contester ce résultat-là, parce que nous, on a été trop maladroits en première période et en deuxième, on a été inoffensifs. Alors attends, les excuses. Voilà, j'allais dire la pelouse. Ah, la pelouse. Et vous voyez ce que c'est d'avoir un public qui est derrière vous de la première minute du match jusqu'à la fin. Tu parles des spectateurs qui font des chants où il y a enculé dedans, tu vois. PD, PD, je crois. PD aussi. Il y avait PD en et que le match n'a pas été arrêté. Ouais. Ça, c'est scandaleux. Ça, c'est la faute des humanistes. Pour les humanistes, rien que nous sommes. Parce que, ouais, non, mais oui. D'ailleurs, au dernier match, il y a eu un arbitre enculé fugace qui est parti. Oui. Et le match n'a pas été arrêté non plus. Voilà. Ouais, parce que un moment enculé aussi, c'est quand même. Est-ce que c'est vraiment homophobe ? Oui. Ok. Même si ça peut se faire totalement dans une relation hétérosexuelle. Pourquoi on ne dit pas arbitre coït ? Oui, c'est ça. Arbitre coït. Oui, non, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ça rime. Je ne savais pas. Donc, enculé, malgré bien que ce. Non, mais assez dans l'après, ça fait faire débat. Mais moi, je pense qu'il y a quand même. Dans l'intention. À la base. L'intention, je ne sais pas, mais historiquement, pourquoi ce terme se retrouve comme une insulte ? C'est... D'accord. Ouais, non, c'est vrai, puis ils ont essayé de souper le début à la fin, ça c'est vrai. Ça jouait. Vous voyez, donc la pelouse, le public. La pelouse, donc apparemment, j'ai lu sur plusieurs journalistes qui disaient que ça avait, la pelouse était très très mauvaise. Alors moi, bon, je trouve, j'ai vu largement pire. Notamment et que ça désavantageait notre football léché. Bon, on a eu deux tiers de possession de balle. Hein. Ça, c'est un peu l'excuse de l'équipe qui perd, ça, la pelouse, souvent. Ouais. Disons, cette défaite-là, sur le tableau de marche. Elle fait aussi tâche que le match nul contre Angers à domicile en début de saison. C'est quand même les équipes de bas de classement. C'est deux points. Voilà, on devrait pouvoir surclasser ces équipes. Et autant contre Angers, on s'est fait chier tout le match parce que les mecs, on n'a rien réussi à produire. Autant là, c'est même pire. Non seulement on n'a pas produit grand chose, et en plus, on s'est fait avoir dans les grandes largeurs. Quoi. Et puis, c'est les matchs un peu bascules au niveau du classement. C'est qu'on contre les gros, on a plutôt assuré. Et c'est le match, si tu le gagnes, bah, tu bascules, je sais pas, 6-7ème. Ça te rappelle rien. Mais ouais, c'est le Racing, quoi. Enfin, c'est les matchs basculent. Tu peux basculer Angers, vraiment. Match bascule. Il y avait. Où tu peux vraiment aller dans la première partie du classement. C'est notre quotidien de. D'avant Blouco et de post Blouco. Sauf sous Stéphane année 1, ces matchs-là, on les a jamais gagnés. Ouais, c'est ça, c'est le Racing de toujours. Et du coup, ouais, ou des années où on a même tu t'approches, tu te rapproches, et là, hop là, le retour à la case départ. Le match bascule, des fois, ça peut être est-ce qu'on bat l'avant-dernier, c'est histoire de revenir dessus. C'est ça, le roi du Racing. Ouais, c'est le temps fait pas. Okay. Ouais. Pim, le petit cheval. Allez, retour dans la maison. Ouais, donc reculer de trois cases. Voilà. Donc, la technique des gens est longue, hein, contre le Racing Vassaillé, je pense. Mais oui, c'est ça aussi. Est-ce que ça peut être effectivement la fin de la hype de l'équipe qui produisait un jeu et genre les mecs ont regardé les vidéos et ils se sont dit, Rosenior a dit genre, je suis même plutôt flatté qu'on change le système de jeu contre moi pour me contrer. C'est la preuve qu'on a raison. Ouais. Ou c'est la preuve que c'est fini, il faut changer, il faut se réinventer. Genre Thierry Loret aussi, il avait trouvé un truc qui marchait super bien avec Kenny Lala et tout sur les ailes et tout, puis à un moment ça marchait plus. Ouais. Puis après les adversaires ils travaillent aussi. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Synthé a tendu un peu Au Racing. Un tiers de possession de balle. À vous de jouer, on va pas vous presser parce que vous allez nous aspirer, etc. On va pas se faire baiser. Donc, vous pouvez faire vos passes en retrait tant que vous voulez. En tout cas. On se fait aspirer. Mais après, il y a peut-être un gros souci dans l'ensemble de ça, c'est que, genre, quand on a un jeu léché et tout, ce qui est important, c'est l'efficacité devant le but. Ouais, bah là, oui. Là, on a quand même un problème. Alors, autant Emega l'année dernière était un monstre d'inefficacité, autant cette année, depuis qu'il a disparu des radars pour cause de blessure, on a l'impression qu'il n'y a personne qui. Emega, il restait monstre d'inefficacité, mais il est moins monstrueux dans d'autres secteurs de jeu. Je crois que c'est la Emega. Face au gardien, il loupe quand même 9 fois sur 10. Voilà. Mais là mais on a trouvé mieux. Voilà, maintenant on loupe. Parce que forcément, genre, il y a un moment, si tu marques pas de but, c'est difficile de gagner un match. Ça me rappelle. Alexander Wenzel le disait, si tu prends pas de but, tu perds pas. Et si tu prends 3 buts par match, c'est dur de gagner des matchs. Aussi, voilà. Donc, effectivement, est-ce qu'il y a un problème de. Est-ce qu'il y a peut-être un problème aussi d'attaque ? Pourquoi pas, hein, genre, a priori. Je cherche. Et on va. Est-ce qu'on. Pour répondre à ta question, la hype Rosenior et le fait est que Strasbourg soit l'équipe surprise qui propose le jeu, elle est déjà terminée. Ils ont trouvé quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est Auxerre qui a aligné 2 matchs. Et voilà, c'est le tapis roulant. Les mecs, il faut qu'ils vendent du temps d'antenne, du temps de cerveau, du journal, du ce que tu veux. Quand il y a une équipe à un demi-match qui est truc, et là maintenant, c'est Auxerre est formidable pour un promu, il se comporte super bien. Après, grosso modo, si tu bats Marseille, tu es l'équipe de hype du moment. Voilà, donc, il y en a marre des équipes hype, je peux vous dire. Bah voilà, donc en fait. Et à la fin, tu regardes les 6 premiers du classement et c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes et il y a pas de hype, il y a pas la seule vraie hype qu'il y a eu pendant on va dire les 10 dernières années, c'est globalement Brest qui arrive à se qualifier en Ligue des Champions. Sinon, il y a aucune surprise. Il y a pas Reims qui a fait une super saison l'année, mais ils ont lâché juste en bas. Il y a nous aussi. Ouais, voilà. C'est une question plus tard ou pas ? Bah non, avec plaisir. Une question militaire. Je dirais pas de qui parce qu'on m'accusera de népotisme. Je changeais mon pensée à utiliser d'autres des doubles comptes pour poser des questions. Rosenior est-il vraiment meilleur que Vira ? Oh, ça c'est. Alors. Bah pourquoi ? Pour les conférences de presse, ouais. Bah ouais, on peut, je pense qu'on peut. On peut sectoriser. Voilà, exactement. On peut distribuer. Pour la conférence de presse, il n'y a aucun doute. En tant que joueur, certainement pas. C'est sûr. Après, je vais quand même. Il faut quand même laisser à Rosenior que, globalement, il a une idée de jeu un peu plus intéressante que Vieira, ou en tout cas, il essaye de la mettre en truc. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Honnêtement, là, au bout d'un tiers du championnat, je ne saurais pas te dire si à la fin ça va produire un résultat. Toujours est-il qu'il a des idées qui, des fois, me crispent, notamment ces trucs de revenir tous les passes en retrait, de repartir de derrière le gardien. Parce que, à mon sens, on n'a pas la qualité technique pour les joueurs pour faire ce genre de jeu-là. Mm-hmm. Mais au moins, il a une truc et il s'y fie, quoi. Il est pas mieux. Vieira, quand il est arrivé, on a compris qu'il savait pas vraiment ce qu'il allait faire avec ces joueurs-là, quoi. Il s'est dit, oh, bon, je vais improviser, quoi. Comme les mecs qui viennent pas de ta radio club. Vieira aussi, on lui a vendu, il est arrivé, il y avait une équipe avec Jiku, Bellegarde. Ah ouais, bah oui. Et je sais pas qui. Et on lui a dit qu'il serait remplacé poste par poste. Et il s'est retrouvé avec pas Jiku, pas Bellegarde, et c'était quel il y a un troisième qui était parti aussi, je crois. Pas de sel, encore. Alors, Vieira, effectivement, son plan de jeu était proche du néant, et ça, c'est un peu une constante chez lui. Mais par contre, au niveau, c'est comme on lui donne une voiture et il finit avec une roue, quoi, à la fin de la saison. Mais je pense que Vieira, il a aussi la. Puis il a pas de vision particulière. Non, je pense. C'est pas un peu. Hein, il a pas de théoriser le foot. Il a pas. Là où Rosenior, je pense qu'il est. Il pourrait te faire du tableau noir là pendant une. Ouais. Vieira, la première conférence de presse, voilà. Il nous a quand même dit qu'il voulait un jeu football de possession en transition, quoi. Ouais. En jouant un jeu de transition. Hein. C'est pas mal. De l'oxymore. Ouais. Bon. Du croustillant dans le vent. Oui. Il te reste quand même. Non, oui, c'est tout à fait. En même temps. Ouais. Et j'aime mieux Croustifond. Croustifond. Voilà, donc en tout cas, voilà, pour répondre à la question de la personne dont on ne dira pas. La cloche finale, ce sera le classement final. Hein. Attends, mais dire qu'on paye les musiciens à la fin. Wait and see. Le fameux Wait and see du Racing Stube. Vieira. Sachant que Rosenior a dit après le match du PSG, le résultat est moins important que le contenu. C'est beau ça. Ouais. Ça marche ça, jusqu'à que tu sois en relégal. C'est du surlant. Voilà, j'adore. Vieira, Vieira lui a dit à la fin de la saison, putain, je croyais pas qu'on allait se maintenir quoi. Donc. Moi j'ai pas répondu à la question toi non plus d'ailleurs. C'est quoi la question? Est-ce que Rosenior est meilleur que Vieira? Bon, moi je pense quand même que oui. Voilà. Ouais. Mais c'est dur parce que ça se trouve là dans deux matchs, ça se trouve on est premier. Encore 0 point de plus et je te dirais bah non, bien sûr que non. Ouais, alors attention, il y a quand même parce qu'après le prochain match, parce qu'on va enchaîner après un match contre Monaco, on le perd, mais globalement sur ce match-là, on se fait quand même, il y a des moments avec Vieira, on se faisait vraiment chier quoi. Ah oui. Et là même quand on perd des matchs, on perd 4-2 à Paris, on perd à domicile pour la première fois de la saison, on était invaincu à domicile. Spoiler. Ouais. Globalement sur à peu près tous les matchs, c'est rare qu'on se fasse chier quoi. Il y a au moins une action, un moment, un quart d'heure, un machin, un truc qui fait que ah ouais, c'était pas si mal quoi. Ça, avec Vieira, par moment, il y avait quand même des mi-temps entières, des mi-temps entières où il se passait ou des matchs entiers, des mois. Le seul moment où c'est vraiment fait chier pour l'instant avec Rosignan, je pense que c'est Strasbourg en jeu. Mais sinon le reste du temps non. Et moi pour au sujet de Rosignan. Je sais pas s'il est moins bon meilleur que Vieira, je pense de toute façon avec l'expérience qu'il a pour l'instant qui est quand même faible, même si c'est super Millwall. Il a quand même Hull. Pourquoi j'ai Millwall? Je cherchais la c'est pareil. Là, Hull. Puis dans le Racing, ça me fait penser quand même un peu à Furlan qui arrivait de Libourne-Saint-Seurin et 3. Ça me ferait pareil, faut pas dire aux gens de Hull. Hein. On est à peu près sur le même. Au niveau de la ville, je pense que c'est à peu près la même chose. Ouais. Des débuts assez pas mal comme au Racing. Hein. C'est marrant, c'est que je crois qu'on le rappelle à peu près toutes les deux émissions que le premier tiers de saison, voire même la première moitié de Furlan, c'était quand même du très bon football. Ah, il y a des matchs de fou. On faisait 5e, on faisait 5e à un moment. Premier tiers. Ah ouais, mais je crois même en novembre, on est 5e. Ouais, je crois après la victoire à Lille, c'est un peu le pic. Ouais. Il y a le but de Rodrigo là. Il y a le truc genre on bat 3-0 Lille, je crois. C'est incroyable. Là, on se dit pourquoi pas champion de France. Et en novembre, on n'est pas loin de. On joue à Lyon, mais si on gagne, on est je sais pas combien de temps, on prend 5-0. Ouais. Et justement, c'est normal. Et c'était un entraîneur à idée. C'était les fameux entraîneurs à bloc-notes. Post-Coupe du Monde, donc il y avait lui et Perrin. 15 ans après, les mecs, c'est des gros tocards has-been. C'est ça. Et en fait, Rosenior, on ne sait ça, pas. Ça tourne vite aussi. Exactement. Peut-être que Stéphane, dans 2-3 ans, c'est un. Oh, c'est déjà fait. Ouais, voilà. Il est en cours de. C'est bon, là. Il a ouvert la porte, il a mis les chaussons. Il est en cours de guide d'habitation. Tout ça pour dire, Rosenior, la pièce, elle n'est pas encore tombée, je pense. C'est-à-dire, ça va. Elle est en train de tourner en l'air. Il est quelque part, Chad Schrödinger, la boîte n'est pas ouverte. On en fait un autre, la toupie de Inception. Non, mais il est là, dans cet état, je pense, on ne sait pas encore. Mais, en général, j'aime mieux perdre sur la loose. C'est quand en général, on gagne plus souvent. Et je pense que, comme tout le monde, il terminera comme une daube. Voilà. Et je dis ça sans aucune conviction, c'est juste, je pense, les probabilités. Voilà. Excellente question. Voilà. RCS Monaco. Bah oui, on enchaîne. Pas excellent match. Enfin, voilà. pas une mauvaise première mi-temps. Plutôt sympa même. On se procure des occasions, notamment les premières. Doué marque le premier but sur une frappe où le gardien a oublié de boucher son premier poteau. Attention, alerte pépite. Doué, premier but en pro. Premier but de sa vie, je crois. Après. Oui. Oui, à part une fois, il a fait un five avec des potes, mais bon, ça compte pas. Voilà. Mais et globalement, pépite. Alors à la mi-temps 1-0, c'est peut-être un peu bien payé parce qu'il y a quand même Petrovic qui se trouve en face à face contre Mbolo là où en deux passes Monaco arrive devant notre but. Spoiler alert, on va en reparler un peu plus tard en deuxième période. C'est le premier tir sur cadré, hein, du match de nous. D'après ce que j'ai lu, c'est possible. Oui, parce que. Ouais. Oui, parce qu'après, il y a aussi notre ami Babacua qui, voilà, qui la met à côté, alors qu'en fait, j'avais pas spécialement vu l'action au stade, je l'ai revu après à la télé. Il est tout seul de chez tout seul et il dévisse complètement sa frappe, alors qu'il est. Dès le début, on sait qu'elle part à côté. Ouais, il est dans les 18 mètres, il contrôle, il est sur son pied gauche. Enfin, il y a. La mettre à côté, de la dévisser comme ça, faut quand même y aller, quoi. Il y a aussi Mbolo, il en a deux, je crois. Mbolo en a deux, ouais. Deux, une. Premier, c'est face à face, et deuxième. Une frappe, il a fait. Hyper, je sais pas. Il fait un effet coupé. Tu veux dire qu'on peut recruter Mbolo au mercato d'hiver? Le gars, il la prend haute. Mais une frappe de merde, quoi. Et globalement 1-0, pas que c'est bien payé à la mi-temps, mais c'est. On s'en sort pas, on n'est pas trop mal. À la mi-temps 1-0, c'est plutôt bien payé, mais c'est pas mal. Par contre, en deuxième, oh, le désert de Gobi, quoi. Côté Strasbourg, on n'a pas la base. Zéro expected goals, ouais, sur la. Mais Monaco ne fout pas le feu tout de suite. Hein, c'est, ils ont la balle, ils font tourner, ça ronronne, mais bon. Et après, ça monte, ça monte. C'est ça. Mais ça commence vers la 73e. Là, je suis en train de voir. Ça monte et nous. C'est vers la 73e qu'ils commencent à cibler, à cadrer. Et on en a une équipe qui s'écroule à partir de la 60e. Et ça perd, ouais, aussi un peu les nerfs. Côté, il y a des, je crois qu'il y a des cartons jaunes. Il y a eu le changement d'arbitre aussi. Ah oui. Ouais, alors est-ce que. Et avant l'arbitre, le premier arbitre, il y avait déjà eu quelques trucs. Ah. Et le second arbitre, il a dégainé. Que pour Strasbourg. Et Strasbourg perd ses nerfs. Monaco joue bien le jeu. Et voilà quoi. Effectivement, alors, il y a notamment le coup de Moreira qui se fait envoyer dans les caméras de télévision ou je sais pas où. Et le joueur prend rien, pas faute, touche. Okay. Et la simulation aussi, non, de Minamino. Ouais, ça pourrait. Alors j'ai pas revu la télé, mais. C'est une simulation, clairement. Ouais, moi j'étais à 100 mètres, mais j'ai l'impression que ça méritait un petit jaune. Ouais, bah, c'est une simulation. Jaune, parce qu'il a demandé le jaune, ouais, c'est le. On a pas quoi sur certains matchs. Il est pas mal aussi. On n'a pas grand chose à. On a les mecs qui est bon aussi en. Ouais. Par contre, il y a carton jaune pour Moreira sur le penalty. Pour la main. Une jolie manchette à Alonso aussi. Ouais. Fois, et ce qui est marrant, c'est parce que Petrovic, il aurait peut-être pu. Il était pas loin. On saura pas, Et alors, à propos de Dorde, je sais pas si c'était Dorde. À propos de Dorde Petrovic, pourquoi il se prend un jaune, lui, à la 63e? Il gagne bien de temps. Mais personne ne met bien de jaune sur des gains de temps. Il gagne de temps. L'arbitre l'avait prévenu une première fois. Sur un 6 mètres, il a mis des plombes. Deuxième 6 mètres, il a nouveau fait genre. Ah, on parle, où est la balle, je la vois pas, elle est devant ça. Enfin, l'arbitre lui a mis un jaune qui me semblait pas déconnant. Pour ça, mais il n'y a jamais de jaune sur gain de temps. Mais si. Les gardiens souvent en prennent. Les seuls jaunes que prennent les gardiens, c'est sur gain de temps. Dernièrement, je pense que c'est beaucoup moins. Alors, sur ce match-là, en fait, je trouve que tout le monde a de nouveau bien plongé. Tout le monde, à l'exception notable de, pour moi, on peut déjà le faire au tiers du championnat, la révélation de ce début de saison. Bon. Et j'aurais pas mis un copec, c'est Diego Moreira. Ouais. Il a été de nouveau stratosphérique, notamment à la 89e, c'est encore lui qui lance un raid là, qui donne la semi-occasion de Mara où on prend le contre après sur le but, mais Mara, tu vois qu'il n'a pas les réflexes en avançant, parce que Moreira lui fait une passe dans le timing, il peut reprendre, du gauche, mais non, il reprend pas du gauche, il revient sur son pied droit parce que c'est le mec est droit. Ça m'énerve. Alors expliquez-moi, quand t'es avant-centre, dans le foot pro, dans une ligue top 5 européen, c'est-à-dire quasiment top 5 mondial, tu peux dire, ouais, je joue que d'un seul pied. Moi, je comprends pas. Il est à 18 mètres dans l'axe. Ouais. Le ballon vient et il a un défenseur là, un défenseur de l'autre côté. Il le sent dans sa nuque, il s'en souffle. Mmh. Il sait qu'il peut pas venir en arrière, il peut pas contrôler. Il faut qu'elle, comme elle vient, un pointu, un spitz, un truc à la con. Et c'était quand ça? 89e. Et le gardien récupère la balle. Il fait une longue passe à Vanderson, et Vanderson, il fait une transversale qui magnifique, et qui arrive sur l'ailier gauche, qui centre, un joueur de Monaco laisse passer la balle, et Ben Seguir, il mystifie Petrovic qui est fusillé. C'est aussi un beau jeu de l'avant-centre qui laisse passer. C'est ça, il laisse passer dans le dos, ils sont deux. Et il y a littéralement la passe du gardien à Vanderson, l'autre passe, il y a trois passes avant le but. Il y a trois passes. Mais ce Mara, tu vois, ces trucs-là, on voit que le mec, il est pas en confiance, ça ok, il est pas en confiance, mais surtout, c'est pas pour rien, à Bordeaux, il avait marqué quelques buts, mais même à Southampton, il a joué des morceaux de match ou des trucs, c'est pas un tueur de la surface, quoi. Et Mega, c'est loin d'être un tueur non plus, il lui faut X occasions pour réussir à en marquer une. Est-ce que Lukovic peut être ce joueur qui normalement il a ce profil là de tueur dans la surface, mais là il revient d'une blessure, on en a trop peu vu, mais. Putain, ça manque de mecs, tu vois, t'as envie que le ballon il rentre dans la surface, le ballon arrive vers lui, te pose pas de questions, allume, on verra bien, allume et on verra. Fire and Forget. Exactement. Vous savez qu'il était aussi belge, pas que portugais? Ouais, Diego Breuer, il est... Est liège. Ouais. Ah, je sais pas. Il est francophone, d'ailleurs. Et son père a joué contre le Racing en 2002 avec le Standard. En 2001. En 2001, ouais. Allô, le Standard, pensez-moi les rouges. Non, septembre. Le Standard. Mais après, Mais pour moi, oui, pour revenir à Diego Moreira, pour moi, révélation. C'est le joueur. Alors, 8 millions ou 9 millions d'euros qu'on a payé à Chelsea, moi j'ai dit, putain, ah, on n'aime pas la multipropriété, des choses comme ça. Et je me suis dit, ouais, ça c'est vraiment les affres de la multipropriété. On avait son CV à Lyon, il avait fait 10 matchs, mais il était transparent à Lyon. Putain, c'est quand même, je pense que c'est le joueur quasiment le plus rapide de l'effectif à la course, parce qu'il est vraiment, c'est une fusée, hein. Et même balle au pied, c'est une fusée. Il a un bon pied gauche et il comprend. Et même si défensivement, multiplie les allers-retours. Aussi. Ouais, et à la 89e, il est capable de te faire encore un raid. Il a un coffre, quoi. Et je pensais qu'il finirait plus mal que ça les occasions, qu'il y aura un peu un syndrome de Dembélé, parce que et puis aussi c'est comme ils se dépensent beaucoup. Et en fait, il finit pas trop mal. Il fait des quand même c'est rare les gros foirages façon de poulet sans tête. Pour l'instant, il termine quand même plutôt correctement les actions. Et moi, de tous les achats, même avec Nanasi, c'est pour moi le joueur le plus intéressant, on va dire. Donc de... Nanasi, il allait très haut et là il a un gros. Ça veut pas dire il peut faire il est sur une sinusoïdale, quoi. Il est vraiment très, il peut faire des très bons matchs et des très mauvais où il disparaît complètement. Moreira, il est quand même sur une moyenne très haute. Excusez-moi, Moreira, moi, c'était comme tu dis, il arrivait avec cette étiquette de transfert genre où Begad a négocié avec Ekbali, avec Marc Keller qui les regardait, donc tu te dis ouais là c'est du foutage de gueule, et puis je sais pas, le profil était pas intéressant, et le mec par contre effectivement il est au-dessus de tout ce qu'on attendait, et il est même au-dessus de tout en fait. Parce qu'il occupe presque deux postes en même temps, il couvre derrière et il anime le côté gauche. Après, tu peux aussi te dire que quand t'achètes 15-20 joueurs, c'est quand même, ça serait malheureux qu'il n'y en ait pas un qui soit bon, quoi. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Kitalin, il voulait nous parler un peu parce qu'il parlait des défenseurs centraux. Attention, il se passe quelque chose. Et il nous a dit dans les défenseurs centraux qu'il y avait notamment le match de Monaco où des fois, Silla, c'était presque même pas le pire. C'était pas toi qui disais ça? Si, c'est moi. Ah, c'était, pardon. Parce qu'il y a eu Sceaux qui était. Qui était nul contre Monaco. Il a fait sortir 10 000 personnes du stade à la 90e alors qu'il y avait 9 minutes d'arrêt de jeu. Mais ça faisait longtemps. Ah. Mais c'est de la merde. C'est pas vraiment. Pardon. Ça faisait longtemps qu'on avait pas vu une méno qui se vide comme ça. Enfin non, il y en a. Ouais, on l'a vu contre Nantes et Lens. Nantes et Lens en octobre, mais Brest, non, elle va peut-être encore. Ouais, Brest aussi. C'est le fameux but de Saï que personne n'a vu. Les trucs, les accusations contre Lens ou Nantes. Lens ou Nantes, ouais. Ben là, le public qui se barre. Alors oui, on peut parler du public. Réaction. Ce qui est dingue, c'est que le Racing de toujours, le public de toujours. Là, il revient. Mais putain, le Rosé Normal, là, les gens sont pas éblouis par les 70 millions d'investissements de Blueco. C'est Rosener qui vient. Mais c'est marrant parce que. Clap à la fin du match, en tête de la petite gondole. Attends, moi, on m'a dit 70 millions d'euros investis dans le club et du coup, peut-être même au-delà. Et que forcément. Du coup, CQFD, ça donne du super jeu, ouais. Des super résultats. Et là, il y a quoi? Deux défaites de suite et les gens quittent le stade à la 89e. Non, mais c'est le mur bleu, ça. Et il y en a qui sifflent ou pas? Évidemment. Alors, j'ai déjà posé la question, mais qu'est-ce qui fait plus de mal aux joueurs? 15 minutes de silence ou les gens qui sifflent des joueurs de 21? Ou des mecs qui partent à la fin? Je pense que c'est pas cool quand tu parles pour les joueurs, quand tu parles pour les joueurs. Non, c'est pas cool. Et donc, on a. Est-ce qu'on te pose une petite question? Non, parce qu'on laisse. Oui, bien sûr. On va dire, c'est clair, quoi. Est-ce qu'on finit un petit peu sur le match? Est-ce qu'on a sportivement quelque chose à dire avant d'attaquer le volet extra? Bon, vous voulez expected goals? On les a pas dit. Ah bah oui. On s'est fait des boîtes. C'est grotesque, oui, c'est grotesque. 0,6 pour nous, 3,8. Donc en plus, ils sont mal payés. Il y a 0,6 à la mi-temps. Oui, parce qu'on fait pas un tir en deuxième. 0, on fait pas un tir en deuxième. Donc voilà, c'est ça. C'est la faute de l'arbitre. C'est la faute de l'arbitre assistant. Oui, c'était de l'arbitre assistant. Quatrième arbitre. Tout à fait, qui s'appelle. Benjamin Le Paysan. Brice Parinel-Tellier? Non. Non. Non, Benjamin Le Paysan. Ah oui. On a son adresse et tout ça. Le Paysan avec un T. En plus, il sait pas écrire. Ouais, bah bravo. Quel pécor. Il y a des tas de gens dont on a l'adresse d'ailleurs. Alors, question Minitel. Eh ben vas-y, tu sais qu'on prend les questions Minitel comme ça. À la volée. À la volée. Alors, de notre meilleur auditeur. Nicolas Lac, Rose 3, Nicox sur Twitter, j'ai failli crever. 4 à la suite. Point d'interrogation. Il parle des défaites. Ah. Donc il nous demande est-ce qu'on est capable. Alors là on en a deux chutes. Hein. Ouais. Mais avec deux matchs à l'extérieur, ce qui n'est jamais facile à négocier. Exactement. C'est tout comme les matchs à l'extérieur. Sachant qu'il y a Nice qui se profile. Tout à fait. Et Brest. Brest invaincu en Ligue des Champions. Moi je pense pas qu'on fera 4 ans de suite. Pour moi, on perd à Nice, on fait nul à Brest. Bah on prend au moins un point, ça ouais, c'est sûr, ouais, sur ces deux déplacements. On sauve un nul quelque part. Moi, pour moi, on le fait à Brest. Ouais, je vais bien le nul à Brest. C'est comme à Brest l'année dernière où on fait nul dans les arrêts de jeu. Avant Noël. Ouais. Mais Brest, retard, la fatigue, tout ça. Ils font quoi en championnat ? Je suis pas du tout ce. Bah c'était ce nul sport. Au début, mais ça va un peu mieux. Ça va mieux ? Un peu. C'est pas non plus génial. Ils doivent être juste devant nous, je pense. Je dis ça au hasard. Hein, Donc pas 4 à la suite. Ouais, juste pour la plupart d'entre vous, 4 à la suite, tu penses? Oui. C'est probable. Non, moi je pense que Brest, on perd pas là-bas. Moi je pense que Brest, ça serait l'occasion de se prendre des buts des anciens joueurs du Racing. Ah, oui. Tu vois, ça c'est toujours. Ta petite Madeleine de Proust, on aime bien, tu vois. J'ai vu que Jonas Martin a marqué ce week-end contre Montpellier. Ouais. Et il s'est pas empêché de fêter. Lui, là, je crois que sa femme était enceinte parce qu'il a mis le ballon sous le maillot. Ça veut dire quelque chose, ça, non? Ah bah oui, normalement, ouais. Ça veut dire qu'il a engrossé quelque chose. C'est très con, quoi. Ouais, voilà. Mais en tout cas, voilà. Je sais pas, à Brest, à Nice, je le sens pas du tout. Et à Brest, donc, à mon avis. On prendra une plus grosse bourrée à Nice qu'à Brest, mais à Brest, potentiellement. Donc, vous pensez à un 4 à la suite? Je dis que c'est probable. Oui! Oui! Quelle soirée, les amis! C'est spontané en plus, c'est incroyable! Ouais, si c'était préparé, on dirait non, mais non, ouais, Tout ça, c'est. Est-ce que t'organises une soirée flamme-cuche mercredi prochain? Il y a des scripts, hein, évidemment! Ah, bien sûr, rien à improviser, on a des auteurs qui écrivent tous ces dialogues. Bah, évidemment! Évidemment! Et d'ailleurs, il y a des trucs auxquels on s'attend complètement sur Twitter aussi. Encore quelques questions Minitel, peut-être? Des petites questions Minitel. J'ai pas regardé s'il y a des questions Minitel sur le site racingtour.com. Non, pas du tout, il n'y en a pas. Pas du tout. Ok, il y a une question intéressante. Alors je vais poser une question de quelqu'un qu'on n'a pas encore cité. Benzouz. Ok. @benzouz67. Donc un mec qui vit sûrement dans le bar. C'est probablement. Ou qui est vieux. C'est un peu compliqué si je suis sûr. Doit-on s'indigner de la Légion d'honneur? Alors attention, jeu de mots, d'honneur, D-O, umlaut, donné à Marc Keller alors qu'il préfère la tarte flambée. Est-ce une nouvelle perte d'identité locale? Je crois qu'on est dans l'humour. je dis bravo. Excellent. Je préfère les saucisses. Et bien sûr, indignons-nous. Surtout qu'on n'en a pas assez parlé, mais le donneur devrait rentrer au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais pas sous sa forme sandwich, sous sa forme assiette. Voilà, avec des choix faits par la Turquie qui ne correspondent pas du tout à l'Allemagne, peut-être une guerre encore. Alors qu'il était inventé en Allemagne. La guerre sainte. Le donneur sandwich. Oui. Pas le donneur assiette. Mais oui. Voilà. Est-ce que la guerre du donneur aura-t-elle lieu? Je ne sais pas. Voilà, c'est peut-être Marc Keller a des réponses. Spécialiste en traîtrise. En traiteur, oui. Le nôtre. Donc là, pour l'instant, question Twitter, Minitel, je propose. Voilà, alors, on a beaucoup parlé, mais je pense que c'est le moment de faire un petit focus. On avait dit coach. Ouais, On a déjà un peu abordé dessus. Ouais, voilà. Est-ce que c'est Julien Marc Rosenior? Peut-être. Julien pour Julien Stéphane. Ah oui. Jean-Marc pour Jean-Marc Furlan. Rosenior pour Laïa Rosenior. Il y a un petit souci dans le sens où il a trouvé son 11 très rapidement. Mais que son 11, quoi. Il a pas trouvé la place. Il a pas trouvé la place. Alors, donc là, notamment des mecs. Bon, là, on a un peu ciblé Mara parce qu'il a dû prendre la place des méga contraint et forcé. Mais sinon, il y a des joueurs comme le Maréchal. Qui ça? Toujours pas. Il n'est toujours pas apparu. Enfin. Si, il a joué 10 minutes. Il est comme Diong, il a très bien vu. Alors Diong, c'est aussi un joueur à fort potentiel, mais très jeune. Hein. Il est encore plus jeune que les autres. Ouais. Mais quand même, il les a fait jouer des petits morceaux de match, voire un match titulaire, je crois, pour chacun. il a tout de suite vu qu'en fait, par rapport aux autres, bah, il... début de saison, c'est ça. Et par rapport aux autres, bah, les autres sont meilleurs, quoi. Donc du coup, c'est les mecs qui jouent les utilités, ils sont sur le banc de touche. Si un se blesse ou à la 85e on veut un truc, ils vont rentrer, quoi. Mais ils vont pas en faire des titulaires en puissance. Ils n'en feront des titulaires que contre un forcé sur blessure ou suspension. Mais ça, c'est pas grave. En fait, moi, je trouve ça plutôt bien qu'il ait assez vite. Qu'il ait trouvé. Ouais. Parce que si vraiment, là, pour le coup, ça vient plutôt contredire le côté ferme. Donc, tu pourrais imaginer que du coup, tu vas faire jouer tous les jeunes talents, même s'ils sont nuls. T'insistes. Là, assez vite, il a dit bon bah ouais, là j'ai bon. Alors sauf que maintenant, ça manque un peu de relais. Mais ça pour moi, c'est plutôt sportivement, je trouve ça assez cohérent. Je te rejoins dans le sens où dans cette multipropriété, les dirigeants, ils vont empiler les joueurs. Par contre, une fois qu'ils ont empilé les joueurs, de l'utilisation des joueurs, je pense qu'il y a aucune ingérence dans cette partie-là. Et je pense pour le coup que Rosenior, il a 100% les manettes pour faire exactement comme il veut. Est-ce que on lui demande juste de, et ça je pense que c'est vrai, de dire, on dit à Rosenior, on veut du jeu chatoyant, c'est quand même, à mon avis, l'actionnaire principal veut marquer l'esprit en mettant du jeu. Donc il met un entraîneur qui a des convictions, il lui demande quoi? Il lui demande de faire le meilleur résultat possible, si possible de faire du jeu. Et débrouille-toi. Et après, l'actionnaire principal, si, il va venir fin décembre entre la dinde et la bûche, dire au fait, est-ce qu'on va acheter des joueurs ou pas, quoi. Et son idée, c'est comme ils ont déjà fait, c'est empiler les joueurs. N'ayez aucun doute, au mercato de janvier, on va réempiler des joueurs. On va réempiler des joueurs. Et d'ailleurs. Mais par contre, il a l'utilisation de faire ce qu'il veut. Et effectivement, il a très rapidement cerné globalement son 11 titulaire. Et à moins de blessure ou de suspension, il va pas le changer. Ou alors, s'il y a un joueur qui vient en mercato, qui vient bouleverser la hiérarchie, quoi. Mais l'un c'est qu'il y en a qui ont un peu avalé la trompette. On dirait au bout de 10 matchs. On sent un petit peu l'usure, alors que pourtant le rythme n'est pas endiablé. On joue pas la Coupe d'Europe encore. On joue pas la Coupe d'Europe, ouais, alors qu'on va la jouer bientôt. Et sinon c'est la mort, je te rappelle. C'est évident. Sinon on crève. Et donc on se demande un peu, à force de ne pas vraiment impliquer les remplaçants, ils se privent de son choix. Est-ce que selon l'axiome de, non, je sais pas si c'est l'adage ou l'axiome de François Keller, si je ne fais pas jouer les remplaçants, c'est parce qu'ils n'apportent pas plus que ceux qui sont sur le terrain, donc ils restent remplaçants en fait. Non, c'est juste, mais simplement. Sur les matchs à venir, est-ce qu'il va continuer avec le même 11 alors que Nanasi est en déclin déjà? Il y avait une interrogation sur l'énergie nécessaire. Diarra est suspendu, donc il va faire rentrer qui? Le Maréchal, logiquement. Mais bon, il n'a rien montré jusqu'à présent. Peut-être Diong et... Là j'aborde un autre sujet. Est-ce que la défense un peu hybride qu'on a avec Moreira qui arpente le côté... Avec Doué qui est un peu bridé, à mon avis. Il pourrait apporter beaucoup côté droit, mais il ne doit pas trop monter parce que Moreira est très haut. Est-ce qu'on va peut-être pas revenir vers une défense à 4 plus conventionnelle? Parce que là, on prend 2 buts par match. Ça fait beaucoup. Ouais, parce que beaucoup. Ce système repose sur pas mal d'intelligence des joueurs en plus de. Et de conditions physiques. Et de conditions physiques, ça fait beaucoup de choses. Beaucoup de dimensions qui sont un peu en fragilité. Alors, à ce propos, là, je pense quand même que vous oubliez ce qu'on appelle un dark horse dans le jargon du je ne sais pas quoi d'ailleurs. J'ai une expression comme ça. Ça est d'ailleurs une question Twitter qui aborde cette question, c'est le retour de Sobol. J'ai l'impression que. On passait un peu tous sous silence. Et du coup, le Tar Hawk, c'est quoi? Il est en équipe 2. Hein. Le Dark Horse, c'est le. Le cheval noir. C'est le cheval noir, c'est là où ça veut dire le truc que t'attends pas. Tout d'un coup, le mec qui arrive, qui vient du champ gauche, qui est une autre histoire. C'est Ex Machina. Ouais, exactement. Mais il y avait une chanson de Katy Perry, Dark Horse. Mais, ouais. Si vous êtes. C'est pas mal. Katy Perry, ouais. Tout à fait. Beaucoup d'émotions dans la voix. Et donc, est-ce que le retour de Sobol dans le groupe. Peut-être pour revenir à une défense plus classique, est-il une bonne chose? Alors je vous dirai pas si vous avez la question. Il y a Wiley. Caleb. Caleb, l'arrière gauche. Porté disparu, hein. Il était blessé, donc. Oui, non. Sobol, on l'a vu s'échauffer. On l'a vu. C'est de lire. Non, c'était Giggle qui ont. Qui est rentré là? Il est même rentré. Il est rentré il y a 2 matchs là. Contre Nantes. Je sais plus, il est numéro 3 dans la hiérarchie, il n'y a pas trop de choses là-dessus. Moi, je pense qu'il a joué en 2 en stopper gauche. Je l'ai croisé hier en ville, donc il existe encore. Tu l'as pas confondu avec un. Et c'est vrai, c'est que je l'ai croisé devant la boutique du Racing. Ah Et je me dis, c'est marrant, un jour Ring qui passe près de la boutique du Racine. Ouais. En fait, il n'a même pas regardé la boutique du Racine. Il a acheté son maillot. Tu sais, il est tellement loin dans la hiérarchie qu'il doit acheter lui-même. Ouais, il a lavé son maillot et le rendait à la boutique. C'est terrible. Non, mais donc, oui, non, c'était juste pour placer une question. De qui, Michael, de quelqu'un d'autre, de, dont je n'ai pas cité le nom ici. Mais il sera listé. Il sera listé. Il sera crédité. Non, ça devient une mafia, hein, ces gens-là. Ah, d'accord. Faut, ouais. Quand il y en a un, ça va, mais. Là, il y en a trois. Bonjour, les dégâts. Ouais. Exactement. Donc, est-ce qu'il est pas un peu tôt pour enterrer l'Ayamo Senior? Faut voir s'il a. Est-ce que c'est le tube de l'été? Capacité à se réinventer, ouais. Est-ce que c'est un feu de paille ou pas? Est-ce qu'il est devenu trop caricatural? Ouais, il a trouvé un bon truc en rien de temps. Mais là, il commence à être lu partout. Alors, du coup, est-ce qu'on dit vivement le mercato d'hiver? Comme nous propose Rose 3? Ah, bah là, j'ai envie de dire, les gens qui sont. Qui adorent la politique dispendieuse de Blouko, ils vont adorer. Je pense que le prochain mercato, ça va être de nouveau fantastique. On va avoir des pépites vénézuéliennes qui vont venir s'empiler. Ça pour le coup. Est-ce qu'on a déjà vendu un joueur? On a vendu les joueurs d'expérience, les vieux de la vieille, mais là maintenant il n'y en a plus. Des pépites, est-ce qu'on a vendu? Si, il reste au bol. Et de Minguet. Ouais. Bon, Devingue, il est prêté, donc ça c'est. Mais ouais, et à la limite, Sobol, ils pourront peut-être lui trouver une porte de sortie en Belgique. En Belgique ou sur le front ukrainien, ou je sais pas où, mais enfin, ils vont trouver peut-être quelque chose pour se débarrasser d'un joueur sur lequel ils comptent pas, oui, ça c'est pour eux. Et donc, on n'a pas grand-chose à dire finalement sur cette histoire de. Non. En fait, on est dans le wait and see complètement, il est très vendu. Moi, je suis très content du coup, et je suis dans le wait and see. Ok, bah il y a des gens qui. Ni pro ni anti. Parce que caricatural, c'est mettre les gens dans des boîtes, j'aime pas ça. Moi je pense que les gens sont multiples, par exemple quand il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Exactement, je l'ai plus, ça là je l'avais avant. Mais quand le Racing gagne, Blouko et Rosélien c'est top, et quand le Racing perd, c'est de la merde. Voilà, j'ai envie de dire. Faut pas enfermer les gens dans des chemins. Mais ça tombe bien, on va parler de gens qui n'aiment pas Blouko. Oh là là. Et ça, c'est la. Donc il y a eu un communiqué. Qui est sorti le jour de l'enregistrement de cette émission. C'est bizarre. Le même jour que France Israël en plus. Coïncidence? Le grand complot. Ouais. Donc il est signé par les UB90, le KCB et la PRFRCS. FCS, il s'appelle dans les DM. RSRCS. FDS dans les VIP, dans les DMAS. FLNJ. Bref, la Fédération des supporters du Racing Club. Dont le président a changé. Oui. Effectivement, c'est co-signé par les trois associations qui ont assisté à la réunion avec Marc Keller. Il y a une réunion avec Marc Keller. Oui. C'est pas vrai. On n'est pas au courant. On n'est pas au courant. À la demande des associations. D'accord. Il a accédé à leur demande. Oui, c'est syndicaliste. C'est-à-dire, il y a encore un dialogue. Il y a encore un dialogue. Je crois que ça a été annoncé tout d'un coup à Donf dans toute la presse, enfin dans deux au moins, par l'organisation Racing Club de Strasbourg Alsace. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une heure de réunion où ils demandent, demandent à ce que les propos restent confidentiels. Évidemment, dans les 10 jours qui ont suivi, ils en ont parlé et c'est sorti 2 fois dans la presse l'initiative du Racing Club de Strasbourg. Même si le contenu n'est pas sorti, le fait est qu'il y a eu la réunion est sorti. Donc du coup, les associations ont communiqué sur le fait que effectivement il y a eu une réunion, qu'effectivement ils se sont dit des choses. Et l'essentiel des débats est resté effectivement confidentiel suite à la demande du club. Hein, c'est bien le club qui demande à ce que ce soit confidentiel. Mais que globalement, les deux grands thèmes ont été abordés auprès du club, à savoir une question de gouvernance et de politique sportive. Le vrai souhait des supporters, c'est d'avoir ça. C'est d'avoir une politique sportive indépendante entre Chelsea et le Racing Club de Strasbourg. Et on va dire une gouvernance claire aussi par rapport à ça, puisque là c'est toujours les mêmes personnes qui décident dans les deux clubs, donc c'est pas forcément transparent. Et l'autre fait, c'est de rencontrer l'actionnaire majoritaire qui est en fait le décisionnaire ultime du club. Hein. C'est évidemment plus Marc Keller, et ça a été réitéré lors de cette réunion-là. Quoi. Ouais. Donc voilà. Et donc, le fait est que. Ces demandes ont donné quoi comme réponse, on sait? Ah, ben non, on n'a pas le droit de savoir. Ah, bah, si, si. c'est très simple. La gouvernance, bah, pour l'instant, elle ne change pas. La petite sportive, elle est décidée par l'actionnaire majoritaire et son nouveau, que j'ai oublié, son nouveau. Personne ne recharge. Il y a qui était dans 30 ans, là. Ouais, c'est ça. C'est plus Stewart et l'autre. Il y a un nouveau. Ah, c'est le nouveau. C'est le nouveau, là. C'est Johnny Wilson. Ouais, j'allais dire Caleb Ouellet, mais ça, c'est le joueur. Mais il a un nom un peu qui ressemble à ça. Voilà, il le saurait. Voilà, et donc c'est lui qui décide globalement de la politique sportive. Et pour. Jarrell, non Et pour rencontrer l'actionnaire un truc, bah ils vont demander. Bah c'est poli. Et voir si lui il veut bien venir parler aux supporters et éventuellement tu sais un jour rencontrer les salariés. Les salariés, enfin des choses comme ça. Mais ouais. ça c'est autre chose. Mais il y a un an, il me semble que Keller avait dit. Ils veulent vous rencontrer. Oui, c'était l'initiative effectivement de Mark Keller, c'est qu'il dit l'actionnaire majoritaire veut rencontrer les supporters. Donc à peine il arrive, il dit je veux les rencontrer. Ce qui Sam Jewell. Ouais, c'est lui himself. Et du coup bah oui, les associations disent bah oui pourquoi pas. Et puis finalement ça se fait pas pour une raison qu'on ignore. Et puis finalement quand ça doit se refaire dans la deuxième partie parce qu'à un moment donné les supporters disent bah vous nous avez promis ça, on attend toujours. Il y a un ultimatum qui est mis en place, le club n'y répond pas, et après ils disent oui, non, mais vous savez, c'est compliqué. J'ai pris des prix des billets d'avion, les résultats. Les résultats étaient tendus, donc c'était peut-être pas le bon moment de rencontrer les associations de supporters et tout, et puis finalement ça s'est pas fait. Non, mais oui, mais de toute façon, ces gens-là. Et cette année, le club nous dit ah, mais on pensait pas que c'était toujours d'actualité. Bah oui, tu vois, une nouvelle saison, les gens ils ont. On met tout à zéro. Bah, franchement, manger une flamme cuche avec. Et du coup, là ils disent ah bah oui, bah, on va demander, mais bon, vous voyez le contexte, enfin vous comprenez quoi. Ouais, alors, c'est pas forcément simple de les faire venir maintenant. Enfin, notre ami avec Bailly, il est allé, il était là pour PSG Strasbourg, hein. Ouais. Il était au Parc des Princes, donc il a pris son. Compète. Oui, il a pris son Eurostar pour venir de Londres et observer l'hélicoptère. Mais attends, il va pas venir pendant le marché de Noël. C'est l'hébergement, c'est super compliqué. Il faut réserver avant. Ah, il y a beaucoup, non ? Ouais. Ah, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, Rouyan. Mais il y en a tellement, j'aurais dû prendre des notes. La première, c'est que des réunions entre la direction avant Blouko, après Blouko, donc direction Mark Keller, hein, avec les associations, il y en a eu souvent. Combien de fois elles ont été communiquées à la presse par la direction elle-même? Bah jamais avant celle-là. Voilà. Donc première question, on peut se demander pourquoi faire ça? Pourquoi est-ce que tout d'un coup Cyril, Olivier, Bertom, Thomas, Gamou, le monsieur là, pourquoi il a reçu tout d'un coup sa boîte mail? Ah, en fait, on a une réunion avec ses comptes syndiqués. Bah quand tout se passait bien et que c'était des réunions collégiales, c'est pas vraiment un sujet quoi. C'est évidemment quand il y a un sujet de tension et qu'on apprend que effectivement on rencontre, je t'apprendrai rien en disant que quand ça se passe mal, c'est là où ça fait vendre un peu le truc quoi. Quand ça se passe bien, c'est quand même vraiment moins bon. On parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Exactement. Voilà. Mais Keller donc en faisant ça, enfin la direction, ils ont quand même leur but, ils ont un objectif. C'est pas juste de passer de l'information. De dire que c'est le début de la détente. Ouais, ou de ouais, bah, je sais pas. Certains l'ont cru. Ou de mettre une pression. Il y a des négociations entre le Hamas et Israël. Tu dis, il y a un cessez-le-feu en jeu. Il y a beaucoup de monde qui croit de loin. Il y a quelques insiders, notamment sur les réseaux, qui ont dû être au courant qu'une réunion avoir lieu. Les mêmes personnes qui sont invitées de ci, de là, et qui ont fait croire qu'ils étaient des affranchis et qu'ils avaient des informations absolument de première. Globalement, la grève va s'arrêter, on est au courant, voilà, vous allez voir, le club va le rencontrer et tout. S'habiller. Alors qu'en fait, la grève est un sujet qui n'a pas été abordé. Et elle n'a pas à l'être. Alors, parce que la technique Mark Keller, faisons un parallèle avec la technique Mark Keller des transferts. Vous vous souvenez quand c'était lui qui... Ah bah c'est toujours lui. Rien. T'avais le mec en photo que tu apprenais le transfert. C'est que quand on nous disait, ah il parle avec Bidule, ça ne se fait jamais. Écran fumé. Et quand ils communiquaient sur le sujet, et quand ils communiquaient rien, c'est là que tout d'un coup ça se faisait. Donc là, ils communiquent. Bon. Écran de fumée. Alors que derrière, un jour, tu vas avoir photo, nouveau groupe de supporters. Exactement. Les Mark Keller Blue Boy. Les Blue Oyster Boy. Ouais. Les Blue Oyster Cut. C'est ça. J'ai Pédarchi qui fait les interviews. Hein, tout à fait. Le moulou d'achour de... Exactement. Ça, c'était la première chose. Pas du tout. Il y a d'autres choses. Est-ce que je peux continuer ou sinon, allez-y. Vas-y. Moi, vas-y. Le public se régale. Tu as parlé de Bagad et Bali. Bagad et Bali. Tout à fait. Vous parliez de Bagad et Bali, n'est-ce pas, cher ami. qui hésitait à venir à cause des tensions avec les supporters. Mais alors là, je ne sais pas si vous avez suivi. Ça, c'est la version... Ouais. Kellerienne. Alors, est-ce que ici, est-ce que vous avez suivi ce que pensent les gens comme Bedad Egbali et lui-même du rôle des supporters dans les clubs de sport, de baseball en Ouganda, de baseball ou de d'autres sports ouais, dans lesquels ils investissent? J'ai un avis sur la question. Ouais, je pense qu'il les considère au plus haut point. C'est ça, il les considère au plus haut point comme au mieux des nuisances, éventuellement des clients. Risques. Et c'est pas, alors ça c'est pas une invention. Hein, c'est donc disponible dans une conférence disponible sur Internet. Alors c'est ainsi, ça s'appelle YouTube. Ouais. Je connais pas, j'avais entendu parler. YouTube, donc, la chaîne YouTube de Rossi. Exactement. Alors là, c'est la chaîne de Sportico, pour ceux que ça intéresse. Et donc en fait, de toute façon, s'il vient, ce sera, bah, on verra, mais ou alors il change d'avis, ça on a le droit aussi, ce sera pour la galerie. Il faut pas, voilà. Hein, il n'y a pas trop de doute qu'on ait un discours intéressant qui en sort de là. Mais ça va être intéressant. Ça serait déjà un premier pas de montrer un peu de bonne volonté. Mais c'est quand même pas mal d'avoir l'occasion de discuter avec un mec qui considère qu'au mieux, que les gens à qui il parle sont des nuisances. Je comprends sur ça. Ça peut poser les bases saines, je pense, pour une discussion. Et d'ailleurs, Jimmy Larky, je pense qu'on peut lancer l'invitation officielle à. Avec Bali à la radio, au prochain Bali. Avec Bali à Radio Shtoub. À Radio Shtoub. Évidemment. Alors, il faut lui dire, par contre, c'est dur de se garer dans le quartier. Ouais, c'est stationnement. Putain, les gars, j'ai tourné une demi-heure. Ouais, moi, je suis à l'arrache, je pense que je sors, j'ai un bébé, un sabot et tout le bordel. En hélicoptère, est-ce que t'as ces problèmes en hélicoptère? Non. La piste d'hélicoptère du Ludorf est encore, ça j'ai demandé à Jeanne. Bon, c'est en cours d'aménagement. Il n'y a pas sur l'hôtel de l'ACUS, le centre administratif. Ah, oui, si, je crois. Mais il n'y a que Barack Obama qui a le droit. Sur Google Maps, sur Google, je ne sais plus quoi. Si, tu peux le voir. Et il y avait autre chose, mais j'ai oublié, vous avez dit tellement de choses. C'était tellement intéressant. Et c'était vachement bien. Mais c'est pas grave, parce qu'on est quand même déjà un petit peu pressé par le temps. Oui. Il restait un dernier point, qui ne connaît pas un, peut-être trois points d'ailleurs, c'est le match à Nice. Trois points sinon rien. Ouais, bah non. Non. On en a un petit peu parlé. Roulien nous a dit qu'il n'était pas trop d'accord. Un petit tour de table des pronos, parce que ça fait toujours vraiment émission radio. Mmh. Et après, on prendra un auditeur. T'as toujours des cons. Alors, pour Nice-Strasbourg. Ouais, 2-0 pour Nice. 2-0 pour Nice pour Rakma. Et vous? Moi, je pense qu'on va toujours marquer des buts, mais je pense 3-1. 3-1 pour Nice. Oui, 3-1. Ouais. Oui, moi, je suis un peu dans la même idée. Je dirais 1-2, du coup, pour Nice. Non, 1-2, c'est pour Strasbourg. Oui, mais je vais toujours Strasbourg d'accord. Ah, moi, je suis 2-1, ouais. Même si Nice, c'est pas fabuleux. Non. Enfin, surtout en Coupe d'Europe. Alors, moi, je pense que je suis... pas mort, mais c'est peut-être pas mal. Je suis assez déçu qu'on rate le Vieira Ico, puisque Vieira n'est plus là. Ouais. Ça a été un peu le derby de Vieira. C'est toujours... Pato Chico. Voilà, le Pato Chico. Bon, c'est dommage, mais... Je pense que Nice, l'Alliance Rivella, est un stade qui nous réussit bien. Et je pense qu'on va perdre 2-1. Très bien. Que 2-1. Que 2-1. Voilà. Mais ouais, ce qui me fait penser à un truc, t'as parlé contre les clubs allemands. Il y avait un type qui s'émerveillait du parcours de Bordeaux. Vous l'avez vu ça ou pas? En National 3, ils sont où? National 2? 2. National 2, donc précédemment CFA. C'est ça. Et ils étaient 412 dans... Ouais, ils sont peut-être plus, j'en sais rien. 412 dans le stade, et ils disaient, oui, on n'a jamais vu ça à part en Allemagne. Et donc, je me demandais si c'est un débile, ou si vraiment il pense que Strasbourg est en Allemagne, et du coup, il se souvenait de Strasbourg en CFA, mais pour lui, c'est en Allemagne. Ça, je pense que c'est un débile. Je pense qu'il ne se souvient pas de Strasbourg, parce qu'en Allemagne, il y a plus de monde encore qu'à Strasbourg. Alors, le monde est plusieurs fois rien. Il y a eu pour Strasbourg comme Strasbourg-Mulhouse. Il y a eu Strasbourg-Mulhouse. On était je pense dans les 20-22 000. Ouais, on pourrait chercher. Hein, dirais plus que pour Strasbourg-Monaco de la semaine dernière. Ah ouais? Pourtant, c'est pas. Ah bah oui. C'est vrai, 19 240. Bon, ils vont plus de tribune. Par contre, les recettes hospitalité n'étaient pas les mêmes. Ouais, ça c'est sûr. Oui. Mais c'était un match à guichet fermé. Évidemment. Il n'annonce plus les dièmes. Ou... Si. Non, il n'annonce plus. Non, il y a eu annonce là. 48e. Ah, non, mais la série. Vraiment, c'était. La série est terminée, non? Non, elle est toujours en cours. Contre Angers, en cours. Parce qu'ils n'ouvrent pas les billets. Mais vous savez qu'on est. Marc Keller achète tous les billets pour les mettre en vente. Vous savez qu'on n'est pas les seuls. Alors, je ne sais plus quel était le club. où les gens gueulaient justement que le mec annonçait encore un guichet fermé alors que bon, on n'est pas les seuls. Mais de toute façon, maintenant, avec les systèmes, de remise en vente des places quand tu peux aller au match, il n'y aura plus jamais de. Il y aura toujours finalement des places. Bah non, potentiellement. Tu parles de chez nous uniquement. Non, mais partout, même si en fait. Non, à Angers, il n'y aura pas de guichet fermé. Non, mais je veux dire, c'est que si. Oh, mais là où il y a où. Si jusqu'à un quart d'heure du match, et ben moi, en cliquant sur mon téléphone, je peux remettre ma place en jeu. Et ben en fait, le guichet est tout le temps ouvert finalement. Ah oui. Donc la notion de guichet fermé. Non, mais toi, t'es abonné. Ça n'existe plus. T'es abonné. Oui. Bah, ta place, elle est sur les 17 matchs. Sur les 17 matchs, ils considèrent que t'es là. Ça, non, mais en fait, ça n'a plus rien de sens vu que. Tu me dis que t'es pas là où tu sais plus. Mais si par exemple, un match de merde, on est 5000 abonnés, à moins qu'on perde sur l'autre. Ouais. Et que. 5000 billets en plus sont disponibles. Voilà. Mais ça, ça sort après les billets. Le guichet fermé n'a pas ça. Ça, il y a des gens qui. Les gens qui sont compagnie, ils font des grands leur abonnement. C'est un beau combat. Si vous voyez la vie en Alsace, on sait bien que je ne veux pas être une autre équipe que le racisme. À tous les gens qui souffrent. Qu'est-ce que tu lèches cette année du coup, vu qu'il n'y a plus de cartes? Non, j'ai filé à Marc les 5 balles, les 10 balles de plus. Mais j'en ai rien. 10 balles, d'accord. J'en ai rien à foutre. Comme ça, je vais me lécher. Et on vit qu'une fois une saison avec Liam Rosenior. Bah, ça a été qu'une fois. Et sur tout ça, il y a une application, il faut redémarrer Windows 11 pour avoir une nouvelle apparence et de nouvelles fonctionnalités. Donc, du coup, on est obligé de vous laisser. Ah, c'est déjà ok. Ça va, je vais essayer une heure pour redémarrer tous les soirs. Il y a 1h23 de C'est le stop dans la radio. Démission, trahison. Et le quiz. Les questions militaires, elles sont vraiment très belles. Strasbourg, c'est la base. Le racine, c'est l'extase. Radio stop, c'est la radio dans le stop.